KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie, et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Michael n'est pas belge. Il n'est pas radin. Je n'ai pas une petite nature. Il a pas de cheveux blancs. Voilà, comme ça il sera content. Puis quitte à mentir aux gens, autant le faire jusqu'au bout. Michael n'est pas sur Énergie du dimanche au vendredi. Tout ça n'est qu'un mensonge, une conspiration. 21h minuit. 21h minuit, c'est pas Michael sur Pas Énergie. Voilà. Ouais, bon, les blancs, il en faut toujours un, hein. Tant qu'il y en a un, ça va. Quand il y en a plus, que ça pose des problèmes. Non mais c'est vrai, il y a un moment, faut dire ce qui est quand même, hein. Bon, ça va tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ça va. Un bon week-end. Ça va. Ça va. Oh, j'ai beaucoup ri ce week-end. Ah bon ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. À cause de quoi ? Oh, tais-toi, c'est bon, dis rien. Oh là là là, quelle malchance. Monaco fait un bon match sur toute la saison et c'est contre le PSG. Mais ça, non, c'est la loose. C'est normal, hein. Toutes les équipes, elles s'enflamment dès qu'elles jouent contre Paris. Ça les excite de nous battre. C'est ça, ouais. Et ceci bon. Dit, c'est pas un bon match. C'est Paris qui a fait un super match. Ouais, bah oui, ils ont perdu 2-0. Ah oui, mais ils ont fait un super match plutôt. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bref, donc j'ai beaucoup ri donc à cause de ce match, hein, mais aussi grâce à Secret Story. Il faut dire ce qui est, effectivement, c'était j'avoue pas mal. Que c'était pas mal quand même. Hein. Mais quoi, les mecs, c'est tous les mêmes, tu vois. Dès que Jonathan il a revu Daniela, il a eu envie de la déboîter. Eh oui, et on reviendra ce soir d'ailleurs sur ce qui s'est passé ce week-end et aujourd'hui dans Secret Story, évidemment. Mais en bref, donc voici ce que ça donne. Sabrina, comment tu le sens, Jonathan? J'en suis convaincu que Daniela, pour lui, il l'a oublié. Ouais. Il arrête pas de me le répéter. Bah oui, Sabrina, ouais, t'as bien raison. Accroche-toi, il est fou de toi. Ouais. Le temps passe dans la maison des secrets. Sabrina, comment tu le sens cet après-midi, Jonathan, là? Là, je sais plus quoi penser dans ma tête. Je sais plus ce qu'il pense. Ah, je sais plus. Là, je sais plus. Franchement, je peux rien dire. Là, ouais, je sais plus du tout. Plus du tout, là où c'est... Ou alors bah, ça pue en général, hein, quand on arrive là. Mais non, là, c'est juste une phase. D'ailleurs, la pause, c'est ça, arrive dans la maison des secrets. Les gens peuvent se parler librement. Alors Sabrina, encore une question. Comment tu la sens, cette relation avec Jonathan? Par rapport à ma relation avec John, c'est terminé. C'est trop dur. Oui, c'est dur. Hein, mais j'ai envie de dire... voilà. Bon, c'est, je pense, un tout nouveau record aussi pour la télé-réalité française. Sabrina est la seule meuf qui se soit faite plaquer deux fois par deux mecs différents dans une émission de télé. Bravo à elle, hein. Mais rassurez-vous, on aura le temps de revenir sur ce Secret Story tout à l'heure. Je vous ai dit que j'avais beaucoup ri ce week-end. À peine, presque pas. Ah, parce que j'ai beaucoup ri aussi grâce à Brice Hortefeux, hein. Enfin, c'est pas ces blagues, hein, qui me font rire, hein. C'est l'histoire, en fait, qui m'a fait marrer. Donc j'avoue que c'est ouf quand même, ouais. Le mec il fait une blague raciste, il assume pas, il sort des excuses bidons et la faire se tasse doucement. Voilà, et la Public Sénat sort une vidéo de toute la scène et ça ne laisse plus aucune place au doute, hein, quant au caractère raciste de sa blague. Hein, donc, la question c'est alors pourquoi Public Sénat n'a pas sorti la vidéo plus tôt? Bah c'est des caméramans fonctionnaires qui travaillaient là, non? C'est ça, hein. Donc forcément ça met le temps à sortir. Hein. Bref, il m'a beaucoup fait rire, hein, Brice. Hein. Donc on reviendra sur toutes les conneries de Brice Hortefeux, notamment avec le service après bourg des politiques que nous avions fait vendredi. Service après bourg des politiques, bonjour. Bonjour, vous me reconnaissez? Non, vous êtes qui? Bleu, blanc, rouge, je suis Brice ou le français. Bleu, blanc, rouge, Brice ou le français, j'aime mon pays. Allez, tous ensemble. Brissou, vous êtes homosexuel? Non. Je suis raciste. Le blanc, rouge, Brissou le français. Voilà, donc je pense que ça va être notre nouvelle idole, Brissou, maintenant. Hein. Maintenant que Vanessa est sortie de Secret Story, forcément, la relève est assurée. Donc ça fait plaisir. J'ai beaucoup ri ce week-end. Hein. Oui, c'est bon, là, mec, on commence à comprendre. Non, mais j'ai beaucoup ri en pensant que ce soir, ladies and gentlemen, nous avons du très, très, très lourd au niveau des invités. Waouh, Robbie Williams a voulu passer la soirée avec nous avant d'enchaîner avec le 6-9. Non, non, Robbie ne sera que dans le 6-9 demain matin. Oui, oui, oui. Bah oui, je sais, il m'a appelé encore hier. Il me dit, oh, s'il te plaît, je veux passer chez toi, pas chez Nikos le Grec. Je dis, attends, mec, t'as signé, maintenant, je peux rien faire. Bah, il a qu'à décider plus tôt. Bon, non, il sera demain matin avec Nikos dans le 6-9. Non, non, en revanche, ce soir, ils seront que chez nous, l'énormissime groupe anglais Muse. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, donc pour ceux qui vivent sur notre planète, Muse, c'est ça en fait. Hein. Voilà. Et donc Matt et Dom du groupe qui seront avec nous pour parler de leur nouvel album The Resistance. C'est voilà. Fort Muse dans l'émission, ça fait plaisir. Ah ben grave. Et j'ai lu aussi qu'on aurait peut-être Archive en interview. Oui, mais ça sera au mois d'octobre. Ah, Archive, d'accord. C'est aussi un groupe anglais, d'ailleurs on fait dans les anglais. Je passerai le nouveau single d'Archive à l'occasion, comme ça vous verrez, voilà, tout simplement. Donc Magic ça va, System ça, devrait passer aussi le mois prochain. Ah bah, ça, peut-être. On n'a pas le même agenda. Alors c'est bizarre, ça dit donc. Ah, bon, enfin bref. Bon, ah oui, j'ai beaucoup ri ce week-end, hein, mais je pense que cette fois c'est bel et bien fini. Hein. Il y a le répondeur qui arrive. J'espère que vous avez été drôle ce week-end au 01 40 71 3400. De toute façon, si c'est pas le cas, vous aurez pas de cadeau. On écoute le répondeur. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Eh non, mais putain, les gars. Il n'y a vraiment qu'un gros merdeux pour être tof, quoi, les gars. Comment vous avez pu recruter ce tof? Le mec, il est tellement omnibulé. Oula, putain. Le mec, il pense tellement au sexe que ses poils de cul et ses poils de bite sont remontés sur son menton. Et putain, et en plus, il les lave jamais. On pourrait retrouver des insectes qui n'existent pas dans la nature et tout là-dedans. On pourrait retrouver des trucs, mais les scientifiques, ils se regardent. Bon, en tout cas, faites de l'audience, bande de branleurs. Fin du message. Message suivant. Salut l'équipe, salut Mickaël. Alors, en fait, je vous appelle parce que j'ai un gros problème. Je voudrais trouver un financement pour payer des cours de français à Vanessa. En fait, je voudrais qu'elle retourne en cours, quoi, parce qu'il y a vraiment un gros problème. C'est pire que Sandro. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est grave. Hein. Nous, si on n'a pas les moyens, on peut toujours lui acheter un dictionnaire. Hein. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut l'équipe, j'ai une petite devinette. Ouais, je sais que vous aimez plus les blagues, mais bon, c'est pas vraiment censé être marrant, là. À votre avis, est-ce que Micha m'a rappelé? Je crois que c'est même pas besoin de donner la réponse, là. Vous avez dit. Fin du message. Message suivant. Ouais, Mickaël, il faut vraiment que tu m'aides. Hein, parce que bah, ma famille et moi, on est coincés dans la bouche de Toff. On est une famille de rats. C'est pour ça que ça sera mort, parce que toute ma famille, elle est morte. Tu es seul survivant, s'il te plaît. Fin du message. Message suivant. Oui, salut. Vous avez dit que ceux de Secret Story devaient certainement écouter votre émission. Alors, je voudrais bien faire passer un message à Vanessa. Je voudrais lui dire que quand on dit que les choses empirent, c'est qu'elles vont forcément de pire en pire. Alors, ce n'est pas la peine de dire ça empire de pire en pire. Ok? Des fois, je me demande si t'es pas vraiment blonde, toi. Donc, voilà. Fin du message. Message suivant. Guten Tag. Ich bin Rodolphe. Comment est-ce que la casa? Oui, c'était pour dire que depuis que je donne des leçons de franchise à Toff, il arrête pas de me ressembler et il se coupe plus les cheveux. C'est pas bien ça, Toff, faut que tu te coupes les cheveux. Et en plus, tu pues. Fin des nouveaux messages. Voilà, voilà. Alors, il y en a qui vous ont fait marrer ou pas? Ouais. Les rats. Oui, les rats étaient drôles. Les rats dans la gueule de Toff étaient sympas. Micha! Je suis pas d'accord, mais. On fait gagner les rats dans la gueule de Toff. Très bien. Le petit qui me harcèle, je vais jamais le rappeler, hein. Je te préviens tout de suite. Pourquoi? Lequel? Bah, le petit, là, qui appelle tous les jours. Hein. Non, mais lui qui a gagné il y a une semaine. Ça sert à rien. Il appelle, mais il laisse pas son numéro. Il appelle en masqué. C'est celui qui a appelé, qui a joué et qui a gagné la semaine dernière. Oui, voilà, mais il en tient une couche, quoi. Mais c'est incroyable. Je le rappelle pas. Il gagne et... Mais s'il a pas le numéro. Mais t'as le numéro. Mais non, j'ai pas le numéro. Mais pourquoi quand il t'appelle, tu le prends pas son numéro? Parce qu'il laisse pas son numéro. Parce qu'il appelle, appelle en masqué. Au standard, appelle au 0800 70 42 48. Voilà, tu demandes à Micha. Il y a 10 appels, il va recevoir 10 appels, il va pas savoir qui c'est. On posera une question en fonction de ce qu'il a laissé. Mais la prochaine fois qu'il laisse un message, qu'il laisse son numéro. Oui, c'est pas faux. Bon, et puis à gagner ce soir, il y a également, et alors là, attention, c'est une grosse tuerie, le pack Colin McRae Dirt 2. Alors, j'ai vu des images du jeu, il a juste l'air énorme, hein. On vous file, t'as joué? J'ai joué à la démo, Ah. Non, j'ai pas les versions craquées. C'est dur, hein, putain, faut être bon en rallye, hein. Ah ouais. Bon, non. On vous file le jeu plus la nouvelle PS3. Est-ce que je peux faire jouer mon petit cousin? Non. Entre le jeu et la nouvelle PS3 qui est super jolie. Je préfère la vieille. Non, c'est pas possible. On dirait une valise en plastique, la nouvelle. C'est pas grave, elle est plus fine. Elle est plus fine, elle est plus légère. Voilà. Elle est plus puissante, non? Elle a un disque dur qui est plus gros. Et je crois qu'il y a quelques fonctionnalités en plus. Les disques les plus gros. Bien peu, hein. Bon, donc ce soir, niveau musique, on aura bien évidemment du Muse, puisqu'on les reçoit tout à l'heure. On aura du Tokyo Hotel, Justin Ouzouka également, et puis aussi le nouveau son de Diams. C'est quoi, Enfant du désert, c'est celui-là? Ouais. Ouais. On mettra tout à l'heure. Et puis ce soir, j'ai une surprise pour Sandro au son de la cave. C'est vrai? Tu me disais ça tout à l'heure. Je dis depuis tout à l'heure qu'elle aura une surprise pour le son de la cave. N'est-ce pas, Jack? La compagnie créole, apparemment, ouais. Ouais, donc c'est un truc qui va m'énerver, c'est ça? Non, pas du tout. Je te jure que ça va pas t'énerver. C'est un Michael? Non, c'est pas Michael Jackson. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Quand tu te la ramènes comme ça en général, on sait très bien que c'est jamais pour me faire plaisir. Non, mais tais-toi, arrête d'en dire plus. Non, tu verras. Arrête tes conneries. Avec Wyclef, t'emballes pas. Avec Wyclef et Brian, là. Non, vous verrez, voilà, donc ça devrait faire plaisir à Sandro, j'en dirai peut-être plus un petit peu, un peu plus tout à l'heure. Mickaël, le podcast. Muse qui arrive d'ici un bon quart d'heure, donc restez bien là, hein, l'interview de Muse sur Énergie. Et comme promis, on va revenir sur la vie de Brice Hortefeux, du moins sur ces quelques derniers jours. Alors déjà, c'est qui ce Brice Pierrefeux, là? Il est ministre de l'Intérieur en toute simplicité, hein, donc pour replanter le décor, donc Brissou est présent aux universités d'été de l'UMP, il discute, il pose pour des photos, Hillary. Et là pardon, arrive Amine, donc un jeune militant UMP typé maghrébin, qui demande à Brissou s'il peut poser en photo avec lui. Et c'est là qu'il sort sa phrase, connin, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Voilà, sauf que les images viennent d'un téléphone portable, du coup on n'est pas trop sûr de tout bien comprendre. Et donc Là Brissou il s'explique en disant oui mais non, mais je disais ça en parlant des Auvergnats. Voilà. Après il dit oui mais non, mais je disais ça en parlant des gens qui veulent prendre des photos. Et puis après il dit oui mais non, mais je disais ça des gens qui ont un polo noir. Ouais, voilà. Bref, ça se noie dans les excuses à la con quoi. Effectivement, d'ailleurs je m'excuse parce que vendredi, je sais pas que j'ai pris sa défense, mais disons que j'avais essayer d'atténuer le truc, mais au final forcément si j'avais vu la chaîne Public Sénat avant je n'aurais pas dit tout ça. Donc Public Sénat qui filmait la scène avec une vraie caméra et un vrai preneur de son, et là évidemment ça change toute la donne puisque c'est cramé que Brissou parlait des Arabes et donc là c'est le drame. Ouais, mais ce qui est chelou c'est qu'on a beaucoup parlé de la première vidéo qui semait le doute quand même, et pratiquement pas de la seconde vidéo qui met tout le monde d'accord. C'est un peu étrange. Bah du coup ce sont les journalistes qui vont nous sortir des excuses à la con. Ah, déjà pour Pernon Lacouane elle excuse. Il prend tellement de temps à parler des problèmes de la gauche qu'il a plus le temps dans son journal pour parler des problèmes de la droite. Voilà, autre petit souci, c'est que Sarkozy forcément est tout énervé parce que vu que cette affaire a pris de grandes proportions en fait, elle a éclipsé son histoire de taxe de carbone, enfin taxe carbone plutôt, et ça Nico forcément il est pas content du tout. Donc alors que évidemment pourtant tous les gens de l'UMP tiennent à défendre Brissou, parce que ça aussi il faut le savoir, qui a précisé qu'il ne ferait pas d'excuses, ouais, même gonflé. Tout l'UMP sauf Ramayad quand même. Effectivement, ouais, c'est vrai, ouais. Ramayad de toute façon c'est la seule à encore agir avec son propre jugement à l'UMP. Mais bon, dans la foulée, donc il a tellement de soutien Brissou que même Éric Besson fait tout son possible pour détourner l'attention jusqu'à se faire filmer en faisant un doigt d'honneur devant les caméras de Canal. Alors a priori c'était un gag. Bon, non, c'est pas vrai. C'est une excuse comme une autre. C'est pas vrai. J'ai vu le truc directement et en fait, il, si tu veux, il fait un doigt d'honneur. Mais genre il essaye de le faire sous la table pour que le journaliste le voit mais pas la caméra. Sauf que la caméra avait un grand angle. Ah c'est dommage. On voit bien le doigt. Ouais. Mais cela dit, vous êtes quand même, enfin vous êtes dur avec notre bon Brissou, hein, puisque bon il essaie quand même de calmer le jeu. Oui bah oui, bah bien sûr il calme le jeu. Tiens je vous avais dit qu'il aurait fait partie du GUD Brissou. Du GUD. Oui, Groupe Union Défense, un syndicat étudiant proche de l'extrême droite. Ah quand même. Mais ça veut rien dire, hein. De toute façon, Brissou a un allié de poids pour se rattraper quand il dit une ou deux conneries. Ça s'appelle le service après-bourde des politiques. Écoutez ce que ça donne cette hotline. Service après-bourde des politiques. Service après-bourde des politiques, bonjour. Bonjour, c'est Brice Hortefeux. Dites-moi, j'ai fait une bourde avant-hier. On était en train de parler des maghrébins avec les collègues. Et j'ai dit, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Ah, vous y allez pas avec le dos de la cuillère, hein, vous. Bon, vous avez qu'à dire que vous étiez en train de parler des Chinois. Hein, ça passe toujours mieux avec les Chinois. Ah oui, mais c'est pas crédible, les Chinois. Ils sont jamais tout seuls. Quand il y en a un, il y en a forcément des milliers derrière. Enfin, monsieur Hortefeux, vous le faites exprès. Pardon. Service après-bourde des politiques, bonjour. Monsieur, n'est-ce pas, Jean-Marie? Ah non, monsieur Le Borne, Le Pen, je suis désolé, je peux rien faire pour ce que vous avez dit avant. Vous avez été trop loin. Oui, je sais, mais ce n'est pas pour ça que j'appelle, n'est-ce pas? Je voulais juste féliciter mon Brissou pour ses propos. Maintenant, je peux prendre ma retraite tranquille, n'est-ce pas? Je sais que la relève est assurée, n'est-ce pas? Ah bah c'est très bien, allez, au revoir, monsieur Le Pen. Si je peux me permettre, au sujet des maghrébins, il dit que c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Eh bien c'est faux. À partir du premier, déjà. Ouais, c'est bon. Service après-bourde des politiques, bonjour. Bonjour, vous me reconnaissez? Non, vous êtes qui? Bleu, blanc, rouge, je suis Brissou le Français. Bleu, blanc, rouge, Brissou le Français. J'aime mon pays. Allez, tous ensemble. Brissou, vous êtes homosexuel? Non. Je suis raciste. Bleu, blanc, rouge, Brissou le Français. Service après-bourde des politiques, bonjour. Bonjour, c'est encore Brice Hortefeux. Oui. Dites-moi, j'ai essayé de faire croire que je parlais des Chinois, mais ça a pas marché. Ah bon? Ouais. C'est bizarre, ça passe toujours les Chinois d'habitude. Bon, dites que vous parliez des Portugais, hein, ça passe bien en général les Portugais. Ah oui, mais là, non, je suis pas d'accord. C'est très bien les Portugais. Je suis content qu'il y ait beaucoup de Portugais en France. Ah bon? Bah oui, sinon, qui c'est qui va faire le ménage à la maison s'il n'y a pas de Portugais? Oh, c'est pas vrai! Service après-bourde des politiques, bonjour! Quand il y en a un, ça va! C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes en France! prends-leur la main, expulse-les. Maryse, je viens d'avoir Doudou Hortefeu. C'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'était le service après-bourg de la politique, évidemment. Hein. Et donc il va jusqu'à s'inviter pour manger ce soir, il faut quand même le savoir. Hein. Et d'ailleurs rompre le jeûne avec les membres du Conseil français du culte musulman. Ça c'est ouf, tu sais, on se dit que c'est pour se trouver des excuses. Ouais. Comme par hasard, Hortefeuille va chez les musulmans rompre le jeûne. Comme par hasard, et du coup, donc on s'est dit que on devait absolument suivre cette journée dans la vie de Brissot. Donc on va finir par s'attacher à lui. Ouais. Non mais c'est vrai. Il y a des chances. Un peu quand même. Hein. Ouais, bon, écoutez ce reportage exclusif au réveil de notre ami Brissou maintenant. Donc, alors attention, nous allons démarrer ce reportage exclusif. Donc, la journée de Brice Hortefeux commence tôt. Il est 6h30 quand on le retrouve ce matin en famille chez lui. Oh, bonjour Brice. Bonjour chérie. Bah alors Brice. Wow, quand il y en a un ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Alors, avant de se rendre au ministère de l'Intérieur, Brice passe faire une petite visite surprise à ses troupes, à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Sur place, il croise un policier seul dans la rue. Eh, dites-moi, vous êtes tout seul là? Non non monsieur le ministre, le reste de la patrouille est en train de préparer la prochaine bavure. J'avais juste oublié ma matraque. Eh, hey, monsieur le ministre, une bavure, quand il y en a une, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. J'aime beaucoup votre humour. Oh, méfiez-vous, parce qu'ici, quand vous êtes beaucoup, ça va. C'est quand il y en a qu'un qui a des problèmes. Après une journée fatigante passée à refuser de s'excuser, Brice Hortefeux participe à la rupture du jeûne avec une famille de musulmans. Excusez-moi. Je m'excuse pas, hein. Je m'excuse pas parce que j'ai rien fait. Bon, même passer le pain, s'il vous plaît. Monsieur Brice, tes excuses, c'est pas grand chose. Et quand il y en a, ça va. C'est quand il n'y en a pas que ça pose des problèmes. Voilà donc la journée chez notre ami Brissou. Il devrait... Brice Hortefeux. Enfin, je sais pas, il y en a plein des noms. Comme il ça. Devrait appeler Ségolène Royal. On avait des pas mal l'année dernière à propos de Ségolène. Ségolène Royal, c'est celle qu'il y a dans les îles. T'imagines, il y a une qui s'appelle Ségolène. Ségolène. Ça peut être pas mal, hein. Ah, c'est bon ça. Ségolène Royal. Bonjour. Ah, c'est Brice Hortefeux. Ouais, c'est ça, j'ai du mal un petit peu à imaginer. Mais justement, Doudou qui est avec nous. Bonsoir, Doudou. Ah oui, bonsoir, là. Oui, comment je suis là. Est-ce que vous avez une Ségolène Royal chez vous ou pas? Ah non, nous on n'a pas ça. On peut faire la laisser en métropole, vous savez. Ah d'accord. Oui, okay. Oui. Alors, nous, on a déjà assez de problèmes de fraude comme ça. Hein. De fraude. Oui, la fraude. Ah, la fraude, d'accord. Oui, okay. Vous avez des problèmes de fraude? Non, c'est pas ça. Je sais pas si vous avez lu le livre là sur le PS comme ça. Hein, l'éducation physique et sportive. Non, pas du tout. vous savez le parti socialiste que vous avez là, qui marche pas très bien en ce moment. On a le même, hein, Doudou. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Eh ben en fait, il paraît que c'est chez nous qu'on a magouillé un peu pour les votes de Ségolène. Alors on vous la laisse. À Lille et chez vous, en fait. C'était pas Ségolène. Hein. On peut pas tout faire non plus. Non, mais c'est ça, effectivement. Mais vous êtes déjà au taquet, ouais. Cela dit, effectivement. Mais ça fait plaisir de vous voir, Doudou. Vous étiez plus passé depuis longtemps. Ah bah oui, mais c'est depuis... On a cru que vous étiez mort. Bah oui, mais vous passez plus de zouk, alors j'ai dû aller ailleurs. Tu vas où? Ah, vous êtes parti. Ah bah oui, hein. Ah bah ça fait plaisir ça, dit donc, vous auriez pu passer pour dire bonjour. Je suis allé sur la radio du soleil, c'est vachement bien. La radio du soleil. La radio du soleil. Ah oui, c'est pas mal. C'est quoi ça, c'est une radio sur internet? Non, c'est Soleil FM. Ah, Soleil FM. Oui, oui, c'est une petite radio, hein, par contre. Non, il y a Tropique FM. Ouais. Oui. Non, c'est Soleil, mais ils ont qu'un émetteur, hein, par contre. Oui, ah c'est... ouais, ah, bon, oui, c'est déjà ça. Pas mal, hein. Oui, mais il est au fin fond de la Creuse, ça fait loin. Oui, la tristesse du nom de radio. Et Soleil FM. La radio du soleil. C'est du soleil dans ta radio. Oui, enfin, il n'y a que dans la radio, parce que là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah, Creuse, ouais. Oui, évidemment, oui. Évidemment. Bah, ça fait 3 mois que je suis là, et il a plu. Pendant 3 mois. Très bien, bah écoutez, c'est bien. Bon, bah écoutez, Doudou, merci en tout cas d'être venu. Hein. Vous repartez quand dans les îles? Dans les îles, je sais pas, mais dans la Creuse ce soir. Ah, vous partez dans la Creuse ce soir, dans d'accord. Dans la Creuse. Oui, dans la Creuse, oui. Dans la Creuse. La Creuse, ouais. La Creuse. Ça, non? Ouais, ouais, mais t'as dit la Creuse. Oui. Je comprends pas, Doudou. Oui, mais enfin, tout le monde comprend. Oui. C'est le problème, c'est que tout le monde ne comprend pas ce qu'il dit. Mais si, je comprends mieux, la Creuse, c'est avec l'appel. Ouais, donc ça, ah, il creuse avec l'appel. Oui, oui, oui, oui, oui, c'était une vanne... Jeu de mots. Hein. Ouais, c'était une vanne. C'est Laurent Wauquiez. Voilà, c'était Laurent Wauquiez, effectivement. Je suis Doudou Wauquiez, oui, ça me va bien. Moi, j'aime bien. Allez, au revoir, Doudou, et puis vous revenez quand vous voulez, hein, d'accord. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Hein. C'est ça, au revoir. Vous êtes sûr que vous voulez pas faire une petite mission Zouk? Non, ça ira. Sans façon, c'est gentil, je vous remercie. Ah, maman, 2h du matin? Surtout pas 2h du matin. Après le 6-9? Certainement pas. Le 6-9 du soir aussi? Non plus. Même celui de l'après-midi, il n'y a pas non plus. Bon, au revoir, Doudou. Oui, bonsoir. Très bien. Mickaël, le podcast. Et on est reparti sur Énergie comme tous les soirs entre 21h et minuit. Les messages que vous lâchez donc au 612 comme d'habitude, débuté par Mickaël évidemment, et puis sur le site forcément mikl.fm. Et ce soir on reçoit donc un groupe de légendes. Si je vous dis Mathieu, Dominique, Christopher, vous me dites Muse. Eh ben voilà, et puis vous avez raison d'ailleurs. Comment ça va les gars? Very good, how you doing? Ça fait... très bien, et toi comment tu vas, Mike? Ça va très bien, ça fait super plaisir de vous recevoir. It's really really glad to have you. Oh, thanks for having us, thanks for the invitation. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, moi je me souviens encore quand j'étais dans la voiture en écoutant Muscle Museum dans ma vieille Fiat Tipo à l'époque. Ah oui, il était jeune. Ah oui, exactement, en tout cas c'est à partir de là que forcément ça a fait tilt et j'ai bien kiffé. Muse justement qui he's sont là fan, donc avec nous. He's a fan of the band since the song Muscle Museum. Ah ouais, very old song, very old song, long time. Très très longtemps. Ouais, ça fait un petit bout de temps effectivement. Bon, vous faites quoi là maintenant quand vous venez en France? Bon, hormis là la promo de l'album, mais sinon vous êtes déjà venu tout ça. So what are you guys usually doing when you come to France? Vous avez vu la Tour Eiffel? You guys saw the Eiffel Tower? Oh, not this time, but I've seen it many times before. Pas cette fois-ci, il est déjà plusieurs fois auparavant. Il est monté tout en haut. Ouais, il est monté tout en haut. Oh, scary, yeah. We went up in a lift and then walked down the stairs. Ils sont montés en ascenseur et redescendu par les escaliers. And when you walk down the stairs, it's terrible. Et par les escaliers, ça fait les boules parce que tu vois le sol. La prochaine fois, il faut faire le contraire. Faut monter par les escaliers et descendre en ascenseur. Next time, you should go up by the stairs and go... Keep fit. Yeah. Pour rester en forme. C'est plus sympa. Mais en fait, c'est pour pécho qu'ils allaient à la Tour Eiffel. Pourquoi? C'est vrai que cette fois-ci, ils y sont pas allés. Pourquoi? Bah, c'est pour draguer, c'est toujours bien pour draguer la Tour Eiffel. Ah oui, non mais ils ont pas besoin de ça, t'inquiète pas. Va. Bon, vous parlez français parce qu'on a vu sur une des chansons là qu'il y avait de l'album d'ailleurs il a compris. Ah. C'est-à-dire qu'il fait non mais il a compris la question. Je n'ai pas les français. Mais si, si tu parles français. Mais bien sûr que oui, vous parlez français parce qu'il y a une chanson Il peut commander du café en français. Ah, allez-y. Comment? Qu'est-ce que vous voulez que je vous serve? Café, s'il vous plaît. Ah, c'est bien. Il y a presque. Je voudrais. Voilà. Il y a 30 mais je vais le chercher. But presque... I think I can understand because I think you're talking about the one song that he's speaking French on the album. En fait, il comprend que tu parlais de la chanson en français sur l'album. D'accord, ok. Donc vous parlez pas français, donc vous l'avez fait quoi? On vous l'a écrit en phonétique. How did you made this song not speaking French to pronounce right? I love the music so much. Camille Saint-Saëns is a composer, yeah, from Samson and Delilah. Samson and Delilah. Saint-Saëns et Delilah. And I wanted to incorporate it, but I tried to translate it to English. Okay. But the English sounded terrible. Okay. So I just had to try. En fait, try to sing in French, but yeah. Il a adapté la chanson Saint-Saëns et Delilah. I must apologize for my pronunciation on the album. Yeah. Il a adapté la chanson Saint-Saëns et Delilah qu'il adore. Bon, il a essayé de la traduire en anglais, mais ça sonnait pas du tout. Ah, alors ouais. Du coup, il l'a fait en français et il tient à s'excuser pour cette prestation. D'accord. Bon, alors en cherchant un peu sur le net, on est tombé sur un article qui explique certaines théories sur l'origine du nom Muse justement. J'espère que vous allez me dire laquelle est vraie. So on the internet, we found some theories about where does the name Muse come from. Yeah. We're gonna check if they're right or not. You're gonna tell us. Alors Mathieu a ouvert un dictionnaire au hasard. Il est tombé sur Muse. Et comme dans le dictionnaire, le mot précédent était Muscle justement, et le nom suivant Museum, ils ont intitulé en fait donc leur première chanson Muscle Museum. The first theory is that you met, opened the dictionary, you fell down on the word Muse. And the word before that was muscle, and the next one was museum. So you named the first song Muscle Museum. Yeah, that's the reason. That's correct. That's why we named the song Muscle Museum, because it was the two words around Muse. Yeah. Donc c'est vrai pour la chanson Muscle Museum. C'est effectivement pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. D'accord. Alors le deuxième. Not Muse. Non, il n'est pas tombé sur mushroom. Which thing didn't fall on mushroom? So say again. Sorry? Oh, sorry, I didn't understand, sorry. It's a good thing you didn't fail on mushroom. Oh, right, yeah, oh, no, we did many times, yeah, but when we were younger. Ils sont tombés plusieurs fois, mais ils étaient plus jeunes. Bon, alors le deuxième point, donc, ce serait à l'évocation en cours d'art plastique des muses, donc, filles de Zeus, qui vous êtes, et donc vous vous êtes décidé pour ce nom poétique et percutant. Okay, the other theory is about... Bonne chance, pour traduire. Is about plastic art. You know, the girls from god Zeus. Which are the muses? Oh yeah, Greek goddesses. Yeah, Greek goddesses. So, is it the reason? Well, for the name of the band. Yeah. Dom, that's yours. Well, yeah, I tell you what. Well, we came across the word. It's just a word that was. No, no, it was kind of. I tell you what happened. You only like what? Let me tell you what. Okay, okay. We were like from a very small town in Timoth, okay. And there was this kind of crazy old man who was very wise and but loved the arts, and he loved music. He loved like seeing like young people interested in arts and music. And one summer, one year, our whole town became very, very interested in arts. Like people doing paintings, sculptures, lots of bands, and just lots of stuff was going on. And this guy said, he said it seemed like there was a muse was descending on the town. You know, okay. The town was consumed by, and I didn't know what the word meant. I was like 15 or something. I mean, what does that mean? Looked it up and I thought, oh, that's a great name for a band. You know, it seemed like such an obvious name for a band. You know? Okay. So that was how we found it. Yeah. But en fait, la petite histoire, c'est que bon, ils viennent d'une toute petite ville, et dans cette toute petite ville, il y avait un vieil homme un peu fou, mm-hmm. mais qui adorait les arts, qui adorait la musique, la peinture, tout ça. Et pendant un été, cette petite ville est devenue finalement une grosse ville, puisqu'il y a eu dans les rues plusieurs événements artistiques, des peintres, des musiciens, d'accord. et tout ça. Et donc ce mec, ce vieux fou a dit, bon, ben, on a l'impression qu'une muse est descendue sur la ville. C'est à ce moment-là qu'ils ont entendu ce mot-là, ils ont adoré le nom et ils trouvaient ça assez évident pour un nom de groupe, sauf qu'ils savaient pas du tout ce que ça voulait dire. D'accord, donc ça sert à rien que je passe au troisième puisque maintenant on a l'histoire. Oui, mais... It's okay, so we don't have to tell you about the third theory. Ah, okay. What was it? Ah, il faut savoir. Ah, d'accord, yeah. Alors la troisième possibilité, c'était que le nom a été choisi en souvenir de trois amies du lycée. Elles avaient pour habitude de se réunir la nuit afin de s'essayer à la magie noire et de visiter de vieilles maisons abandonnées pendant que Matthew les accompagnait en jouant des mélodies mystérieuses à la guitare. That's the weirdest one. It says that it's from three girls that were in your school that used to do black magic and stuff like that and visit a haunted house and having you playing guitar with them. Yeah. That's true, yeah. But, that's not necessarily where the word muse came from. That was just something I did in spare time. Yeah. L'histoire est vraie, mais c'est pas de là que vient le nom muse. D'accord. C'est juste quelque chose qu'il faisait pour passer le temps. Bon, et donc c'est quand même la première fois qu'il racontait l'histoire de la naissance du nom. Oui, c'est vrai. This is the first time you're telling about the where does the name come from? I think we probably mentioned it, but no, not for about 10 years. Long, our memory is very bad. Yeah, it's the first time I remembered, really. C'est la première fois qu'il se souvient en fait de l'histoire. C'est la première fois de ce millénaire. First time from this millennium. Yeah, exactly. Voilà. Très bien. Bon, votre nouvel album donc qui s'appelle donc The Resistance. Bon, alors on a évidemment écouté les singles disponibles très attentivement. We've been listening to this album. Et notamment Uprising. Alors c'est une chanson qui donne une force incroyable et on sent une espèce de montée en puissance. Bah jusqu'au refrain, et là ça se passe de commentaires. Oh, it's gone. We can feel the force in this song, you know, it's like a crescendo, a huge crescendo. Morceau énorme, alors donc il y a les, on va traduire vite fait le refrain, donc il y avait They Will Not Force Us, donc ils ne vont pas nous forcer, ouais. Voilà, puis après il y a They Will Stop Degrading Us, ils vont arrêter de nous dégrader, en gros, hein. They will not control us, ils ne vont pas nous contrôler, et puis we will be victorious, nous serons vainqueurs, so come on, Sandro. So come on. Alors, come on. Non, alors, soyons communs. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais. Listening to this chorus, it really gives us the will to follow you all around the world, you know. Ouais. It's really motivating. Ah, cool. Voilà, donc effectivement l'envie de foncer, de vous suivre. Alors, il y avait les hymnes donc pour les nations, hein, donc God Save the Queen en Angleterre, la Marseillaise en France. Queen a même créé l'hymne de tous les champions avec We Are the Champions. Et on a le sentiment qu'avec Uprising, il y a Muse qui vient de créer ce qui pourrait devenir une sorte, je sais pas moi, d'hymne révolutionnaire moderne. Alors, c'est le soulèvement mondial. Ouais, tu as eu peut-être déjà ça. You know about the anthems, God Save the Queen for England, la Marseillaise en France, Queen who made the song for all the champions of the world. We are the champions. We feel that with Uprising, Muse could have been making the anthem for a kind of revolution, a modern revolution. Oh, of course, that's what we need. We need a revolution. The young people. We should, you know, there's all these old people that own everything. They own all the land. They own all the corporations. You know, and the young, they're all destroying the world. You know, and the young people are sick of it. You know, I think we need to make a revolution and take the power back. Il est très content de cette analyse parce que voilà, c'est vrai qu'il pense que les jeunes ont besoin d'une révolution. C'est que les plus âgés qui possèdent tout, qui possèdent tous les biens, les terres. Et il pense que les jeunes ont besoin de reprendre un peu le pouvoir. Et ils l'ont voulu. Comme ça ou si là il réagit à l'analyse qu'on a fait de nous. This is something you wanted. This kind of revolutionary sound. Oh, definitely. Yeah, yeah. Oui. Oh, the sound and the music. Yeah, we're always trying to find something new. I think all the time. Yeah. Oui, en fait, ils essayent. Donc, c'était effectivement voulu. Et puis, dans la musique, ils essayent de toujours trouver quelque chose d'innovant, quoi. D'accord. Alors, on a aussi repéré ce passage, donc toujours dans Uprising, le single de Muse. Rise up and take the power back, it's time that. On peut traduire comme ça. Lève-toi et reprends le pouvoir, il est temps que. Voilà, et puis après, oui. Et puis après, il y a The Fat Cats Had a Heart Attack, you know that. Je me fous de ton anglais, hein. Mais après. Ah oui, mais ouais, j'ai pas l'accent british. You're kidding him about his accent? His English? Non, c'est juste les lyrics, actually. Les lyrics, the accent. C'est une bonne combination. Il faut le dire, c'est pas grave. En fait, il trouve que les paroles et ton accent, c'est une très très bonne combinaison. Ah d'accord, ok. Eh ben écoute, je serais ravi de faire partie de. De sa première partie. De la plage cachée du prochain album. You can make an hidden song on a bonus track, you know. On your next album, if you want. Oh, definitely. Yeah, yeah. Oui, oui, alors, oui, les bonus cachés, hein. Oui, oui, really, really, really hidden. Track. Really good hidden. Yeah. 15 bon. Minutes after the end. Okay. Puis après, il y a Their Time is Coming to an End. Et puis le temps de leur fin est venu. Voilà. We have to unify and watch our flag ascend. Nous devons nous unifier, regarder notre drapeau se hisser. C'est vraiment révolutionnaire. Donc c'est effectivement ça. Alors quelle puissance? Alors ça, c'est la question plus compliquée. Quelle puissance visez-vous particulièrement? Who are those fat cats you're trying to aim at? Actually. So it's all the bankers and all the MPs in England who have been stealing money from everyone, you know? C'est tous les banquiers, et particulièrement en Angleterre, qui ont volé de l'argent à tout le monde. D'accord, ok. Et le drapeau hissé, c'est celui de la liberté ou de l'Angleterre? Which is the flag you want to ascend? That's a good one. I haven't invented it yet. I think we need to make a nice... Maybe the artwork of the album. That's a good flag, yeah. Peut-être la pochette de l'album. Ils doivent encore l'inventer. C'est une très très bonne question, mais ils n'ont pas encore réfléchi à ça. Ils doivent l'inventer. Bon, l'album donc s'appelle Resistance. Donc ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Ça traduit donc une envie de s'engager davantage. En gros, faire comme Bono, quoi. So, the name of the album is Resistance. So, are you kind of telling us you're gonna involve more, you know, like Bono from U2? No, I hope not. No. No, non, j'espère pas en fait. Ah bon? Quoi, ils sont pas fans de U2? You don't like juste... U2? Ah non, I like U2. I think no, music is great. Yeah. La musique yeah, est très yeah. bien. No, nice guys as well. Nice guys. Non, yeah. C'est un chouette gars aussi. Good. D'accord, ok. Bon. I think he means well. Ça va, il fait bien passer le message. Bon, bah tant mieux alors. Bon, dans le nouvel album, donc j'ai entendu dire qu'il y aurait un morceau mêlant le R&B et l'opéra italien. Alors c'est vrai? So we heard there was a new song which would be mixing R&B and Italian opera. Is that correct? No, there's a song, Undisclosed Desire has got like a bit of R&B drum beats, you know. Undisclosed Desire, effectivement, il y a des beats R&B. Yeah, but actually there's a track called Exogenesis on the end of the album which has more like a operatic influence. Et en fait, il y a un morceau sur la fin de l'album, Extragenetic. Extragenesis qui est plus inspiré effectivement de l'opéra. D'accord, ok. Bon bah très bien. Pour ceux qui sont pas de R&B, peut-être que Sandro va kiffer. Ah ouais, carrément. First time you're making song inspired by an opera. Yeah, kind of. Yeah. I'm sort of singing like at the end of the album. I'm singing like in a like a sort of soprano voice, you know, like trying to do like a. C'est vrai que c'est assez récurrent qu'il chante avec une voix de soprano. Ah, oui, c'est un gros problème parce que quand j'écoutais Muscle Museum ou même les autres dans la voiture, si tu veux, je passais pour un con. Pourquoi? Bah parce que la voix aiguë, chaque fois, ça part en couille. That's a huge problem because sometimes he's trying to sing along when he listens to your song. Okay, yeah, everybody around him is making fun of him. Et donc c'est horrible quoi. C'est un drame. On peut bien te croire. Ouais. Ah oui, non mais je te confirme, hein, la salle de bain s'en souvient. Enfin, bon, depuis vos débuts, donc on peut dire que vous avez fait un parcours sans faute. Hein, entre 2000 et 2007, il n'y a pas une seule année sans que vous remportiez une récompense. Meilleur groupe anglais, meilleur groupe live. Meilleur album, meilleure tournée de l'année, meilleur artiste rock. Et en 2006 vous avez juste vous êtes permis le luxe de choper 8 récompenses. Ça va, c'est déjà arrivé d'être deuxième. So you've been winning like everything. Best British band, best live band, best album, best tour of the year, best rock artist of the year. Have you ever been second in something, you know? Il réfléchit, ça fait long ça hein. I think I came second in the 200 meters at school. Au 200 mètres à l'école. Sports day, you know? Les sports, ouais. Yeah. You guys are not into sports that much? We're not very good at it. I like it, but not very good. Yeah, that's the problem. Chris, the bass player, he's very good. He's a good football player. Yeah. Chris joue très très bien au foot. Watching football? I like watching it, yeah. I'm pretty good defender. I can do a sly tackle, you know? Il peut faire des tacles. Yeah. C'est pas un souci, mais d'accord. Ça s'arrête là. Et il est pas venu parce qu'il s'est blessé? J'ai entendu dire ça, paraît-il. C'est Polo qui m'a dit ça. Why Chris isn't here? He hurt himself playing football. He's injured just from playing football in some way. Il s'est fait mal en jouant au foot. Bon, on a le sentiment en fait que pour revenir à l'album justement qu'avec cet esprit-là, donc ces montées symphoniques et cet immense talent justement là, cet album va faire plus que rencontrer un public. Il risque de rencontrer une époque. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là ou pas? We have the feeling listening to this album, the Resistance, that it's not only gonna be a big success. It's gonna be like the breed of a new era, you know. The birth of a new era. We think so. Oh, great. Wow. Thanks very much. It definitely feels that way for us. Yeah, I mean, yeah. So definitely musically. Yeah, I think we've opened up some new doorways, you know, into some new genres and styles, which hopefully will pave the way for future albums. You know. En fait, bon, déjà ils sont très touchés, mais alors eux, effectivement, c'est leur sentiment, mais plus musicalement. Voilà, ils ont l'impression d'avoir effectivement ouvert de nouvelles portes et mis les pavés d'un nouveau chemin pour les albums à venir. D'accord. Alors vous avez travaillé aussi avec le hitmaker, on peut le dire, hein, Mark Sten, donc surnommé Spike, qui bossait déjà avec Dépêche Mode et Oasis. Vous avez pas peur qui vous mette justement Liam Gallagher dans les pattes? You've been working with Spike, that has been working with Dépêche Mode and Oasis. You're not afraid that this guy Spike will bring Liam Gallagher into your band? Now that he's bandless. No, yeah. Maintenant qu'il a plus de groupe. When we started, we were supposed to find a singer, because I didn't want to be a singer. I was just a guitarist, and it was three of us. And the idea was to find a singer, so I'm not against the idea. Ah, il est pas contre l'idée, Matt, parce qu'en fait, quand ils ont commencé le groupe, il était pas du tout censé chanter, il était juste censé être guitariste, et il cherchait un chanteur. Donc éventuellement, ils sont pas contre l'idée. C'est pareil, un bonus caché. Hein. Oui. Maybe for another bonus track with Liam Gallagher. Yeah, exactly. Il faut pas le cacher. Hein. Ce serait con de le cacher. Ils les connaissent, les frères Gallagher? Do you guys know the Gallagher brothers? I've only met once, I think, or twice. Yeah. Yeah, well, just brief chat. We talked about guitars and things. Yeah, I've never met Liam though. Yeah. Yeah, Noel's a nice chap. We see him around every now and again at things, you know, bars and things like that. But he's really cool. He seems very you know, he's quite funny. He's a funny guy, and he, like, you know, he's laughing a lot at life, it seems. You know, he seems to tell a lot of jokes. Doesn't take life too seriously, I think. Yeah. Ils les ont déjà rencontrés à deux ou trois reprises. Bon, voilà, c'était juste des petites discussions à propos de guitare. Mais apparemment, Liam est un mec quand même très très cool, qui rigole beaucoup. Et il prend pas la vie très au sérieux. Quoi. D'accord. Oh, c'est bon. Pourquoi il rigole beaucoup. Oui, aussi, bah hein. C'est ça, la bière. Hein. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que t'as fait construire justement le studio d'enregistrement dans ta villa en Italie, face au lac de Côme. Is this true that you built a studio? A recording studio in front of your villa in Italy? I don't have a villa. I'm not successful enough to own a villa. George Clooney's got a villa down the road, which is like you know, bigger than this studio. But basically, no. I've got in a sort of garden under the ground. Okay. It's built. It's not in my house. It's like, you know, a few hundred meters away underground. You have to take a lift and go. It's like a sort of James Bond bunker. You know? it's quite cool though. Yeah, en fait, il a pas une villa sur le lac de Côme. Hein. C'est George Clooney qui a une villa un petit peu plus loin, mais lui il a pas encore gagné assez d'argent. En fait, le studio se trouve au fond du jardin. Mais enterré quoi, c'est-à-dire que tu dois prendre un ascenseur pour descendre, ça fait un peu de James Bond, donc ça l'amuse beaucoup. Bon, et puis bah, les Tech Dates qui pourraient se reformer avec Robbie Williams d'ailleurs, Oasis qui s'en va, les Tech Dates qui reviennent, il y a donc plus que vous pour sauver le rock britannique en fait. There's a real big problem in Britain about music, because Oasis is done, Tech Dates might be back. So, you guys can save rock. We're going to fill the gap. Yeah. Ouais, ils remplissent juste le petit trou là. Ouais, bon, le petit, il est quand même gros, hein. C'est bon. Hein. J'ai vu que votre musique aussi était pas mal influencée par la musique classique, puisqu'il y a quand même trois symphonies sur l'album. Il y a des compositeurs préférés comme ça dans vos esprits ou pas? Your music is really influenced by classic music. There are three symphonies on this album. So, who are your favorite composers? I like Russian composers like Tchaikovsky and Rachmaninoff, maybe. But also Liszt, French composer, great. Liszt, Chopin as well. I don't know, lots of stuff. Beethoven, it's a bit square. Beethoven, yeah. I love Beethoven. Nah, I don't like it. He doesn't like Beethoven. It's too old. Yeah, it's too old for me. That's like Moonlight. I like more sort of like late sort of 20th century, early 20th century, late 19th century stuff. Romantic, modern. Plus modern vers la fin du 19e, début du 20e, romantique. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire aussi que vous êtes pas mal influencé par Queen et les Zeppelin? And may we say you're influenced by Led Zeppelin and Queen? We love all a lot of great English, you know, historic rock bands, you know, Beatles, Zeppelin, Queen, you know, all sorts. Police, we always like the Police as well, yeah, good three-piece band. Yeah. Tous les groupes historiques anglais, en fait, hein, Led Zeppelin, Queen, Police, les Beatles. Spice Girls aussi, la The Spice Girls also? Spice Girls, definitely. Oui, mais carrément. Yeah, you can hear that on Undisclosed Desires, I'm pretty sure. Yeah. D'ailleurs, le nouvel album, l'intégrale remasterisée des Beatles, ils sont déjà en leur position. Do you already have the full edition remaster of the Beatles? No, I need to cut that. No, I have the unmastered version. Sounds fine to me. Il a la vieille version, le vieux master, ça lui paraît très très bien. Oh, c'est vrai. Hein. Et Mathieu, justement, t'as récemment annoncé que t'aimerais bien ne plus sortir d'album de manière, de manière traditionnelle, mais de publier plusieurs chansons à la fois sur Internet, de manière périodique, on va dire ça, afin de permettre aux fans de choisir leurs préférés et après, après quelques temps, donc faire un best-of avec ce que les fans ont choisi. C'est bien ça, Mathieu, d'abord. You recently said that you would love to get the albums out, not on a traditional way, but to edit them on the internet and let users pick the song they love and then make a best of CD. Do you think it's the end of the traditional CD? I don't think it's the end, but I think it's certainly the beginning of new ways of doing. I think you know, maybe doing like an EP or something with three or four songs, or doing music which is like, you know, one song which is 12 minutes or something. I think there's more freedom to do things like that now, but I don't think it's the end of the album, but you know, certainly it's the beginning of new things. Oui, c'est en quelque sorte la fin de l'album proprement dit, mais c'est surtout la naissance d'un nouveau truc et effectivement d'internet, et ils pensent que voilà, ils pourront éventuellement sortir des EP, donc des CD de 3-4 plages, ou alors carrément faire une chanson de 12 minutes, et ils pensent que voilà, on en est arrivé à un état de liberté. D'accord. On peut faire ce qu'on veut. Et ils ont dans l'idée de faire comme Radiohead, justement, de laisser payer les fans, mais ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent acheter une chanson à 100$, bah, ils payent 100$. C'est bien, 100 ça. Euros, could you be making like Radiohead, you know, and let the customer pay whatever he wants for a song? That's pretty good, eh? I mean, yeah, I'm easy. I'll go with it, you know. Ouais, il est pas contraint, il est à la cool, il peut faire ça comme ça aussi. Ouais. Bon, bah très bien. Et puis une des dernières questions, c'est quoi la position de vous deux du groupe en règle générale? Vie du téléphone. Complicated. It's difficult, isn't it? I mean, we're all guilty of it. Yeah, everyone's guilty. That's the thing. Everybody's guilty. Ils en sont coupables. But I don't know. I think you know, it's complicated. Basically, it's complicated. And it needs to be like people need to rethink the structure, I think, of music. I mean, music, everybody expects it to be for free now, you know. But I think the record companies and everybody, they need to be attacking the internet service providers. You know, I think they need to sort of come to some kind of new agreement. You know. En fait, ils trouvent ça très compliqué. Ils disent que de toute façon, tout le monde s'est rendu coupable de Scream. Et en fait, ils pensent que voilà, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à réorganiser le fonctionnement de l'industrie musicale, et c'est plus au niveau des providers internet qu'il faudrait essayer de trouver une solution pour que ça arrange tout le monde, quoi. Et évidemment, tout le monde voudrait que la musique soit gratuite, donc il faut trouver une solution à ce niveau-là. Ils ont déjà téléchargé illégalement? So you already been illegally downloading songs. I cannot say. I mean, but what the crazy thing about it all is, like, trying to like punish the music listeners or the fans, you know. That's the kind of weird thing about it, because a lot, you know, most people are spending lots of money a month to have an internet connection so they can download whatever or watch films or do whatever they want. So like trying to get like specific to the music listener is kind of madness, you know. That's like Metallica suing their fans. Yeah, like the war needs to be between the record companies and the internet service providers, not the record company and the consumer. You know? You think a part of the abandonment of the, you know, internet provider should be given to the artist? I think the copyright owner should be able to receive from the internet service provider, definitely. En fait, il trouve ça assez surréaliste de poursuivre finalement le fan de musique qui est quand même à la base quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, dépense de l'argent pour la musique. Il pense que les murs devraient se trouver entre le fournisseur d'accès internet et le dépositaire des droits d'auteur. Donc effectivement, peut-être une partie de l'abonnement que tu payes pour internet reviendrait aux auteurs. Oui, en fait, au final, c'est vrai que ça peut être une bonne idée, c'est clair. Bon, sinon, au niveau de la tournée française, il y en a une de prévue ou pas? Do you guys plan to make a French tour? Yeah, we're back in October, November. I'm not sure the dates, but we certainly play here at the Bercy and all over France. Yeah, because France in the middle, we're kind of coming through various times, you know, across. Yeah, so it's not all like one week; it's spread across a month. But we're doing about maybe 7 concerts, I think, across France. We do a full, circle and little bits and pieces in the middle as well. I can't list all the cities right now off the top of my head. But we're definitely playing here in Paris. Ils vont jouer un petit peu partout en France, certainement, assurément à Paris. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont pas jamais faire une semaine complète en France. C'est-à-dire que ils vont voyager, ils vont faire une date, ils vont partir ailleurs, ils vont revenir, ils vont refaire une date vers octobre, novembre. Il y a 7 dates prévues en France. D'accord. Je sais que le 1er novembre, ils seront à Neuville. Je sais, parce que c'était un dimanche et je me suis dit que j'allais y aller. Hein, donc très bien. You'll be there on 1st of November in Amnéville. Okay. I'm gonna see you. I'll see you there. Yeah. Great. You from Muscle Museum? Will you guys be playing Muscle Museum? We shout from the crowd and request. De la foule et ils la joueront. Bon, parfait. Allez, dernière question. Vous écoutez quoi comme musique en règle générale? So, what kind of music generally you guys are listening to? Dans l'iPhone de Matt, par exemple. I like Bat for Lashes. You know Bat for Lashes? Bat for Lashes. Yeah, I like the new album's good. Yeah. I like Justice from Paris, I think. Yeah. Okay. Wicked. There's a new band that might be supporting us in England called The Big Pink. The Big Pink? Yeah, that's really, really cool. C'est très, très cool, mon collègue. What else? Quite like the new Yeah Yeah Yeah's album. Big fan of them. The new? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. D'accord. Et si ils peuvent choisir un titre hormis Muse à écouter ce soir, ils prennent quoi? If you guys n'importe pick... lequel, que ce soit anglais, américain, australien, n'importe quoi. If you guys could pick any song in the world excepted from Muse and we would play it later on the show, which one would it be? Ooh, any song. Back in Black, AC/DC. Back in Black, AC/DC. Perfect. Parfait. Ok, we'll play it on. Nous mettrons ça, il n'y a pas de souci. Bon, bah, merci à Muse en tout cas d'être venu pour la sortie du nouvel album de Thanks Resistance. Bah, ce soir, vous étiez ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Thanks a lot for being with us. It cool, was a real pleasure. You're welcome back anytime. Cool, thanks for having us. Et puis rendez-vous le 1er novembre donc à Amnéville. Je dis cette date-là, c'est celle que je connais. We'll see you on 1st of November. Okay, see you then. Right. Donc voilà, ah oula mon dieu, j'allais presque oublier. Oh là là, bon, merci à Polo du Polo Show de m'avoir fait des signes. Jérôme, combien d'albums on peut offrir de Resistance? Paramore c'était 20. Non, Paramore c'était c'était 40 200. Pour 20 pour Paramore, so for Muse, 21. Oh non, il charrie ou quoi là? He's trying to give away albums to our listeners. Ah ok. So he said we give 20 for Paramore, so we are giving 21. Ok, yeah, one step behind. Bon, allez, combien on peut en offrir eux qui sont proches de leurs leur fans. How much would you guys like to give away? Non, 50. Sans regarder 50. Moi. 50. Parfait. Perfect. C'est bon, hop là, 50 albums de Muse maintenant à choper. Donc au 6-11-12, débutez le message par Michael, puis vous mettez Muse et vos coordonnées complètes. Bah merci à vous d'être venus. Once again, thanks a lot. Thank you. Merci beaucoup. Et bah de rien. You're welcome. Yes. Michael, le podcast. Malek qui est là. Allô, Michael. Attends, je remets le casque. Il vient de plomber l'ambiance là. Mais non, tout va bien. Eh oui, ça va. Mais oui. Bon, comment ça va, Malek? Ça va, Michael. Ça va, toute l'équipe d'énergie. Salut. Bon, ouais, écoute, moi, pas terrible. Hein. Tu es venu pour gagner ta grippe, hein, sois le bienvenu. Ça va bien se passer. T'as déjà eu la grippe ou pas? Ouais, plus de fois. Comment? Plusieurs fois malheureusement. Plusieurs fois. Ah bah ça va, tu vois, t'es toujours vivant. Hein, Roux est toujours vivant. Ouais. Bah quand même. Mais oui, tout va bien se passer, Roux, ne t'inquiète pas. Le Roux, il essaye de se faire passer pour un nouveau-né, hein, pour essayer d'être vacciné dans les trois premiers mois, les trois premières semaines. Mais... Oui, ça marche moins. Ça marche pas terrible, Roux, hein. Ouais, il faut que je trouve une autre attaque à faire. Oui, j'ai trois mois, monsieur, vaccinez-moi. Bon, j'ai alors, tu peux jouer sur ta couleur, Michael. De quoi, Malek? J'ai un conseil à te donner si tu veux. Vas-y. Moi, quand j'ai la grippe, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais pas chez le médecin. Pendant une semaine, je suis malade, comme un chien. Et après, ça va mieux. Ah bah oui, puis tu meurs. Ouais, mais non, mais avec la grippe A, c'est comme con de le faire. Hein. C'est-à-dire que pour le même prix, t'as la grippe A. Encore quand t'as la grippe normale, quand t'es en bonne santé à la base, tu peux te permettre de le faire. Encore que c'est con. Mais tu peux te permettre de le faire. Mais effectivement, avec la grippe A qui traîne, si tu veux, c'est quand même relativement con de faire ça, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Ouais, mais moi, en même temps, je viens de Grenoble, il fait vachement froid, donc ça tue bien les microbes. Ouais, c'est vrai. Mais enfin bon, quand même. Ouais. Ouais, puis sinon il y a l'alcool à 90. Hein. Oui, c'est vrai. Bon. Ah, tu viens de Grenoble? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, t'as dit aux joueurs de Grenoble de faire pareil, de rien faire puis d'attendre. Voilà, pour l'instant ils sont comme ça, pour l'instant malheureusement. Pour l'instant ça marche, hein. Ouais, bah le message a été passé d'ailleurs tellement bien que c'était arrivé, c'est arrivé jusqu'aux oreilles du Parisien. Zéro point. Ah oui, ça c'est pas mal. Grenoble, 5 matchs, 5 défaites. 5 défaites. C'est pas mal. Bon, on parlera foot tout à l'heure, mais par contre j'ai vu que Montpellier, alors eux ils sont enflammés. Ils cartonnent là. C'est bien, tant mieux. Ah mais bien, parce qu'ils viennent de la Ligue 2 quoi. Ouais, ah mais ils en profitent, ça va peut-être pas durer. Oui, oui, mais oui. Tu vas voir qu'au niveau de la 10e journée, ils vont commencer à redescendre petit à petit. Faut voir, mais j'espère que ça ira encore pour eux. Paris, ils en ont bien profité. Hein. Bah ouais, et t'imagines, Montpellier champion de France. C'est comme Grenoble l'année dernière. Hein. De quoi? C'est comme Grenoble l'année dernière, exactement. Ils sont venus de Ligue 2, ils ont tout cassé la première année, cette année, ils font rien. Ouais, ouais bah écoute, enfin bon. Bon, allez, c'est pas grave. Malek, donc on va appeler quelqu'un maintenant. Alors on est un peu à la bourre là maintenant, à 22h25, ça va être compliqué de joindre quelqu'un. D'habitude on fait le jeu une heure à l'avance, mais bon, là il y avait Muse. Donc du coup, bah forcément on doit faire ça maintenant, mais c'est pas grave. C'est on appelle qui? Bah oui, c'est bien. Yanis, on appelle Yanis, très bien. Yeah. Il y avait Edwin et Amar également, bah appelons à Yanis, aujourd'hui je vais pas prendre le chou, hein. En plus, je suis malade. Dans quel état t'es-t-il? Bah mal, grippal. L'état grippal. Oh là là. Ouais, je sais. T'as la grippe ou pas toi, Tex, pour l'instant, non? Non. Non? Ah bon, d'accord, ok. Bon, allez, on y va, Malek, je vais lui poser 10 questions. Mm-hmm, c'est et ça. Yanis, donc s'il répond bien à 6 sur 10, c'est gagné pour vous deux, d'accord? Ok. Allez, on y va, c'est parti, on appelle. Ça va bien se passer. Pour moi, je sais pas. Arrête. T'as pas un masque à me donner? Non. Mais moi, j'ai l'impression que je tombe malade aussi. Non, mais c'est ouais, psychologique en fait. Alors, psychologie, ouais, bah casse-toi. Non, j'ai des bouchées. Allô, Yanis? Comme d'hab. Yanis? Ouais, il y a un concert de Mozart là. Salut Yanis, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, ça va? Oui, et vous? Bon, oui, ça va bien, ouais. Hein? Ouais, ouais. Tu dis quoi Yanis? De quoi? Tu dis quoi Yanis? Comment ça, je dis quoi? Non, je sais pas, il me semblait que t'avais dit un truc. Je me demandais si ça allait. Non, j'ai dit ça va. Ah bon, d'accord. Bon, bah c'est pas grave. Bon, bah Yanis, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Oui. Et on va jouer à un jeu, le jeu des amis, avec Malek. Tu connais Malek ou pas? Ouais. Bon, très bien. Alors, je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds correctement à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? Ah, ok. Bon, ça marche. Allez, on y va. 10 questions. Il faut que tu répondes du tac au tac. Si tu sais pas, c'est considéré comme une mauvaise réponse. Oh, ça va être dur. Oh là là, mec. On y va? Ouais. Allez, attention. Top. Quel est le prénom de sa mère? Saleha. Ah, ouais, non, malheureusement, Malek, c'est pas de réponse. C'est surnom, c'est surnom. Ah, ah oui, c'est dommage. Pas. Bah oui, c'est Turquia. Le nom, c'est marrant, ah, ça, comme prénom, ouais. Turquia, c'est mais original. C'est de quelle origine? C'est algérienne. Ah, j'aurais dit turc, c'est dommage, merde alors. Bon, c'est pas grave, allez, question suivante. Si il était un chien, il s'appellerait comment? Arès. Non, il s'appellerait Rentemplant. Ah oui. Écoute, pourquoi pas. C'est Lucky Luke. Ouais, s'il était un bruit, il serait quoi? Je sais pas. Tu vois pas? Ah non. Un bruit? Ouais. Un bruit? Non, bon, je vois un pas. P. Ah, ah ouais. Ah ouais, c'est ça, un c'est P. Bien. Ça devient l'ami du roux. Quelle est à ton avis la pire histoire de sa vie? La pire honte de sa vie? La pire honte? Ouais. Eh oui, c'est pas dommage, mal. Hein, ah ouais, c'est, il est tombé à la foire de Grenoble devant la machine à coups de poing. Ah ouais, c'est pris le retour. Mais Malek, comment ça se passe? C'est naze. Ah ouais, ah bah c'est la pire. Hein. Ouais, quelle honte. Moi, ouais. Bah oui, j'imagine. Ils ont ouais. dû se foutre de ta gueule pendant 1000 ans, tes potes. Ah ouais, ça c'est sûr. D'ailleurs, ça doit continuer aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme on a remis l'eau sur le feu là, maintenant c'est bon. Hein. Bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? De l'eau sur le feu, on éteint, Mike. De l'huile attends, sur le feu. Attends, ça il faut le retenir. Ça. Ouais, de l'huile. J'ai dit de l'eau, mais forcément ça éteint. Bon, alors attention. Voilà, rigole. Tu es atteint de la grippe. Il lui a soufflé dessus. Est-ce que je peux te condamner si je lui tousse à la gueule et qu'il meurt de la grippe? Oui. Ouais. Il y a un mec qui a été condamné pour ça. Ah bon? Il a pris 4 ans. Bon, je vais plomber l'ambiance. Hein. Il a filé le sida à quelqu'un. Il a oui, pris. Oui, non, mais le sida, bien sûr. Non, mais ça, bien sûr. Bah oui, mais à partir du moment où tu peux en mourir, je pense que oui. Ouais, mais là. Je crois qu'il a pris 4 ans ferme. Ah bon. Bon, qu'est-ce qu'il fait s'il croise sa meuf avec quelqu'un d'autre dans la rue? Et... Un plan à 3. Il s'énerve. Non, il va l'embrasser. S'énerve. Original. Eh ouais. Quel métier aimerait-il faire dans l'absolu? Policier. Policier, bonne réponse. Allez, quand même. Quelle est la partie la plus longue de son anatomie? Son pénis. Oui, son sexe, ouais. Quelle est la chose la plus ignoble qu'il ait mangé? Du cochon. Oui. Du cochon, ouais. Très bien. S'il était un légume, il serait quoi? Un navet. Carotte. Une carotte, non, une courgette. Et ce sera un cours une courgette. S'il était un vêtement, il serait quoi? Un jean. Non, un trois quarts. Un trois quarts. Trois quarts. Voilà. Eh bien, c'est pas fameux. De fait. Hein. Alors combien? Alors ça nous fait 3 bonnes réponses et 7 mauvaises. Ah bien, bravo. Ouais, là pour la peine, c'est pas terrible. Là. Oh là là. Ah ouais, c'est dramatique, je sais. Bon bah désolé les gars. Ah mais c'est pas grave. Bah en cœur tout ça fait plaisir. Bon vous venez quand même. C'est pas mon ami, voulez. C'est pas grave. De quoi? Bravo. C'est pas mon ami. Ah bon bah, non, d'accord, mais... alors ça va. Ça tu le connaissais pas vraiment en fait. Vous je l'avez raté. De quoi? Je le raillerai de ma liste. Très bien, il faudra non, faire ça effectivement. Voilà. Bon allez tout, salut tous les deux, à bientôt. Allez, ciao. Ciao, bye bye. Bon bah voilà, retour du jeu des amis demain à une heure normale, c'est-à-dire 21h30 à peu près. Et si vous voulez vous inscrire, 612 débuté par Mickaël ou sur mikl.fm. Voilà, c'est du portugais. Mickaël, le podcast. Bon alors Kevin, je te repasse Sandro puisque c'est Sandro qui va faire le jeu. Ok. D'accord. Et si elle est bonne, on mettra le son que je l'ai prévu, sinon non. Okay, ouais. Voilà. On fera ce qu'il faut, je pense alors. Bon, comment ça va se passer alors? Je vous réexplique l'histoire, ouais. Bah si Sandro a besoin, sinon. Non, moi je me rappelle, c'est bon, en fait vous venez de vous marier, et voilà, ouais. Pendant l'enterrement de vie de garçon, tu veux lui faire croire que ça a dérapé. Voilà. Alors, et ce soir je suis chez mon père, mais je vais vous dire que lui dire que je suis chez moi, ma maîtresse, quoi, en fait. D'accord, elle s'appelle comment ta meuf? Virginie. Virginie. Alors moi je m'appellerai Daniela. Daniela. Okay. Oh, putain, pourquoi pas Roberta? Parce que je veux faire une dédicace à Daniela de Secret Story. Vanessa, qu'est-ce... alors. Qu'est-ce que t'es gentil, Sabrina. Non, bon, Vanessa, Vanessa, c'est dur. Ah, faut que tu parles mal français. Vanessa, faut faire des fautes de temps, ouais. C'est ça? De tout. De tout. Ça peut être facile, mais. Ah, c'est dur des fois de faire des fautes. Ah bah ouais. C'est ça, hein. Bon, allez, on y va. On verra bien. C'est difficile. On y va, c'est parti. Allez, tu t'appelles comment alors? Daniela. Daniela, c'est beau. Ouais. Tu en feras le mic. Je préfère Daniela quand même. À 23h. Tu joues la michetonneuse. Allô? Allô, ma puce? Oui, mon cœur, ouais. C'est où? Ouais. Oui, ça mon va cœur, ouais. Bon, écoute, je t'appelle là parce que bon, je t'ai dit que j'étais chez mon père là, et fait, bon, faut que je te raconte un petit peu. La vendredi soir, tiens, on était pour l'enterrement d'une garçon, le mien, quoi. Oui. C'est pour le mariage de samedi. Ouais. Et bah en fait, bon, on a picolé, il y avait des gonzesses, et puis je t'ai fait cocu, quoi. Quoi? Non, tu déconnes là. Vite fait, bien. Ah non, enfin voilà quoi, je t'ai fait cocu, et puis en plus ça fait des trucs de dingue et tout. En fait là, je suis pas chez mon père. J'ai été chez elle ce soir, quoi. Quoi? Non, mais tu me fais quoi là? C'est pas vrai. Cocu. Et là, t'es avec elle là? Là, je suis avec elle. T'es pas chez ton père? Non, non. Non, mais bon. Fous de ma gueule, Kevin? Non, mais je vais rentrer, quoi. Non, mais tu vas rentrer. Non, mais tu rigoles ou quoi? C'est quoi ce délire là? C'est vraiment un connard, mon gars. Non, mais je rêve. Non, mais en plus, ça fait des trucs de dingue, quoi, au cul et non, tout. Non, mais des trucs de dingue, mais tu rigoles ou quoi, Kevin? On est juste mariés, je suis enceinte et tout, qu'est-ce que tu fais, là? Mais non, mais tu rigoles, toujours. Non, mais c'est pas possible, tu m'as pas fait ça, quand même. Elle est enceinte de combien de mois? Si, je te promets. Non, mais arrête de foutre de ma gueule, en plus, t'as vu comment tu me parles, là? Non, mais les copains et tout, ils l'ont non, trouvé bien. Non, mais je me rends de tes copains, là. C'est nous, là. C'est qui, ta pute, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est bon. Qui, la connasse? Tu vas prendre plein la gueule. C'est bon, hein, non, elle s'appelle... Je te jure. Mais non, elle s'appelle Daniela. C'est une copine, quoi. Non, tu mais vois. Je suis verte. Elle est avec toi, là? Ouais, ouais, elle est là. Non, mais je te jure, hein. Kevin, là, je vais te démonter, hein. Fais pas le merde, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais le beau parce qu'elle est derrière. Pourquoi tu me dis ça par téléphone en plus? Qu'est-ce allez, que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Moi c'est qui le chef? Non, mais j'avais un peu de roman, mais bon. Non, un peu de roman, non. Rien, quoi. Non, mais il se fout de ma gueule, mais je rêve, con. Chérie! Putain, mais oui, qu'est-ce ma que tu fais? Excuse-moi, j'arrive. Vas-y, Kevin, je te jure, si là, si tu rentres, je vais te démonter la gueule, quoi. Non, c'est pas mais... la peine. Non, mais dis-lui que ferme sa gueule, ce connasse là. Qu'est-ce que tu fais? Mais sa caisse alors, t'aimes bien? Non, mais je rêve. Tu dis quoi, en plus? Il me va bien, le sac guess ou pas? Kevin, ouais, le sac guess, ouais. Ah, je lui ai acheté un petit sac guess, bébé, là, tout à l'heure. Non, mais je rêve, con. Mais je rêve. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Non, mais elle Kevin est trop bien, quoi, tu vois. Non, mais elle est trop bien. Mais pourrait... Kevin, mais arrête de délirer, là. Qu'est-ce que tu fais? On vient de se marier. Je suis enceinte. Tu bah t'as non, oublié bon. Tout ça, que tu vas me laisser comme ça en plan bon, là allez, chérie, non, c'est je bon, non mais vas-y, dis-lui qu'elle ferme sa gueule, la connasse là derrière, je vais c'est lui démonter qui, la gueule elle. Qui, non mais vas-y, Kevin, je te jure, rentre maintenant là, je te jure. Et arrête de faire le. Vas-y. Lâche-la là. Lâche-la, dis-lui qu'elle ferme sa gueule, cette pute là. Tu dois encore appeler ta mère, hein. Ouais, putain, vas-y, appelle ta mère. Mais la mienne, en attendant, elle avait raison que t'étais un connard, mon gars, j'aurais dû attendre. Putain, mais je rêve, con. Si j'avais su, j'aurais écouté, hein. Bah non. Kevin, je te jure, t'as intérêt à rentrer tout de suite, là, parce que là, ça va pas du tout, là. Non, mais je vais peut-être rentrer demain matin, parce que je te dis, mais non, mais tu vas rentrer tout de suite, mon gars. Parce que là, on va régler quelques trucs. Tu fais le beau, parce qu'elle est derrière, là, tu te la joues, t'es pas devant moi. Attends, s'il te plaît, Virginie, s'il te plaît. Non, j'attends pas. Tu lui dis qu'elle ferme sa gueule, ce grosse connasse. Attends, ma puce, j'entends pas, là. Dis-lui qu'elle ferme sa gueule, cette pute, là. Je vais la démonter, elle, c'est sûr. Kevin, écoute-moi. Oui, mais attends, j'entends pas ce qu'elle dit, Daniela. Non, mais j'en ai rien à branler. Elle, tu la dégages déjà, parce que je veux plus entendre sa gueule. Et mais tu non, mais écoute-moi. Je voulais juste un c'est petit avec peu, moi, quoi, là. Tu me dis ça par téléphone en plus comme ça, mais t'es une grosse merde, mon gars, même pas capable de le dire devant moi, là. Hein? T'es vraiment rien, mon pauvre. T'es rien, mais non, t'es mais, une merde. Je voulais, de toute façon, le principe, c'est que je te le dise. Bon allez, chérie, maintenant, ça va, là, hein. Non, tu me laisses pas. Et Kevin, tu me laisses pas, là. Moi, j'ai toujours pris ta défense à l'extérieur, hein. Tu sais combien il y a des mecs que je peux me taper à l'extérieur? Mais va voir, non, mais je vais te laisser, parce que Daniela, après... Putain, tu... Mais qu'est-ce que tu fais, là? Mais non, mais je rentre à la maison, mais bon, tu vois, 2-3 jours, et puis... Ouais, non, maintenant, tu rentres. Maintenant, direct, là, tu rentres. Tout de suite, là. Demain matin? Non, c'est maintenant que tu parles, là. Et tu te dépêches à venir. Je vais m'énerver, là, chérie, j'en ai marre, hein. Putain, mais dis-lui qu'elle a fermé. C'est qui au téléphone? Je te laisse dormir. Et Kevin, rentre tout de suite là. Arrête de faire le beau là. Tu rentres là, qu'on règle nos comptes là tout de suite là, parce que ça va pas du tout là. Non, mais tu vas t'énerver. Je rentrerai demain. Non, oui, tu sais, je vais te dire, vas-y, c'est bien. Attends, tu te rends compte de tout ce qu'on a fait là? Tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es vraiment un gros connard, mon pauvre. Bon, allez, chérie, c'est bon. Maintenant, t'es tu raccroches. Merde, c'est bon, quoi. Il y en a marre là. Hein. Non, mais dis-lui qu'elle a fait. Tu raccroches tout de suite. Kevin, t'as intérêt à rentrer tout de suite. Tu lui raccroches tout de suite. C'est, allez, fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Hey Kevin, t'es un bâtard. Elle est enceinte. On continue nous aussi. Et combien de temps? Elle est encore en ligne maintenant. Non, elle est enceinte depuis combien de temps? Un mois. Oh, ah, un mois. Oui, ah, bah, oui, bah, ça va, alors. Enfin, ça dépend. Si ça génère beaucoup de stress, elle peut perdre l'enfant. Enfin, Non, tais-toi, voilà, c'est bon. C'est ça, tais-toi là, tu nous as. Bah, je vais la rappeler maintenant, je voulais mettre la pub, mais non, je vais la rappeler maintenant là. Bah non. Bah si, mais attends, non, mais la non. Pub. Mais non, mais non, la mais pauvre. Si. Voilà, qu'elle prend un ostéocoxium, hein, Toff. C'est ça, non, on va la rappeler maintenant. Bah oui, faut pas faire ouais. ça, les gars. Oh, je sais pas. Ouais, qu'elle s'énerve pas trop, c'est quoi. C'est trop long, après. Oui, qu'elle s'énerve pas trop. Bah oui, mais enfin bon. Dites-elle. Bon, allez, on rappelle. Rappelle, tu lui parles. Voilà. Ouais, explique que t'es désolé pour l'enfant. Tu lui parles. Oui, je lui dis, je te laisse l'enfant, mais je garde le sac. Je lui dis la vérité, ouais, c'est bon. Non, d'abord Sandro un petit coup. Juste pour qu'elle se fasse insulter, c'est pour notre kiff. Allô? Allô, Géraldine? Virginie. Ah, pardon. Ah bah c'est pas ta mère, chérie, que t'as appelé ta mère. Pourquoi tu mens? Eh, hey, pauvre connasse, va. Oui, allô? Vas-y, passe-moi Kevin, là, tout de suite, là. Mais qui es-tu? Je suis sa femme. Ah, tu es l'ex. T'es son ex, en fait, c'est ça? Ouais, son ex, mais pauvre conne, va. Qu'est-ce que t'es, toi? T'es rien. Vas-y, passe-moi mon mari. Bah, je suis sa nouvelle petite amie. Oui, j'aimerais allez, que vas-y, tu sois... passe-moi qu'est-ce... mon mari, là, parce que... Non, déjà, c'est mon mec. Qu'est-ce que tu veux dire à mon ouais, mec? Ouais, bah, allez, vas-y, lâche-moi. Dis-lui qu'il me rappelle, d'accord? Ah non, c'est il bon. Te rappellera toi, pas. Toi, je veux pas parler, connasse, là. Mais écoute... on va pas la chauffer trop hein. Non, c'est ouais. Bon là. Par contre, comme c'est elle qui a raccroché, normalement on peut mettre la pub. Non, arrête. On va pas la chauffer trop la pauvre. Salaud. Bon, Kevin. Ouais. Allez, je vais l'appeler moi. Juste un petit shot et puis après, okay. Enfin un petit shot, sans parler. Hein. Dis-lui que t'es au courant et que ouais. tu veux l'aider à passer ce qui est difficile. Comment tu t'appelles encore toi? Daniela. Merde, je téléphone pas. Je suis en train d'attendre. J'attends. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Allô? Allô, c'est Michel. Non. Comment ça, non? Bah si. Kevin, il est là, Kevin? Oui, il est dans la pièce à côté, mais juste un truc. En fait, je suis un ami de Daniela. Non, mais je m'en fous. Mais... Et donc, ils m'ont expliqué un peu d'histoire et je suis non, tout... Non, mais oui. Là, c'est Michel, bon. Je veux parler à Kevin, tu moi. Tu peux aussi lui dire que sa mère peut Kevin pas l'appeler que je veux de toute parler, façon. Oui, mais je vais vous le repasser, vous allez, inquiétez pas. Non, mais tout de suite, là. Tout ce qu'elle dit suite. Sur elle... Attends, c'est tout de suite, là. Kevin, reviens. Ouais, pour lui parler, deux petites secondes. Ouais, ok. Bah, il arrive. Oui, bah vite. Qui oui, t'étais? Bah enfin bon, en même temps, c'est pas ma faute. Il faut pas me parler mal pour ça. Non, mais je... Moi, j'y suis pour rien, moi. Je rêve. Non, mais c'est vrai. Après, si on peut se tutoyer. Oui, de toute façon, maintenant. Hein. Pas très bien. Parce que et si éventuellement tu te sens seul ce soir, bon. Non, mais il rêve. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je rêve qu'on passe moi mon mari. Parce qu'il m'a dit qu'éventuellement t'étais comme ça, toi. Que j'étais comme ça. Vas-y, passe-le-moi. Comme si t'étais un peu triste ce soir. Non, mais passe-le-moi parce que là, il y a c'est peut-être bon, moyen de mettre une petite cartouche, quoi. Tu lui dis qu'il vienne tout de suite, là. Oui, bah enfin, il arrive. Il y a moyen de mettre une cartouche ou pas? De quoi? Passe-le-moi, là. Vas-y, dépêche-toi, toi aussi, parce que c'est bon, là. Bon, il y a moyen de mettre une cartouche ou pas? Non, vas-y, passe-moi mon mari, dépêche-toi toi aussi là. Mais c'est quoi fait, c'est hein. Dingue là en plus. Est-ce qu'on peut mettre une cartouche ou pas? On met rien. Vas-y, passe mon mari, dépêche-toi. Bon. Oh Kevin, je te la repasse, elle a l'air un peu coincée du cul. Hein. Ah ok, ouais, bah ouais, écoute, elle m'a rien. Allô? Bon, Kevin. Kevin là, vas-y, tu rentres tout de suite là maintenant. Kevin. Et je te jure, tu me rappelles oui, pas, rien du Kevin, tout. C'est bon, tu peux lui dire là. Ce que ta mère dit sur elle. T'as compris? Dis-lui ce que ta mère dit sur elle, hein, qu'elle soit au courant. Ouais, mais elle démonte, mais bon, c'est bon quoi. Faut mettre une cartouche ou pas? Elle est gentille quoi. Kevin, tu m'as compris? Allô? Ouais. Bon, Virginie. Virginie. Quoi? Ça va, calme-toi. Allô? Allô, Virginie? Oui. Ça va, calme-toi. Calme-toi. Mais oui, calme-toi. Non, mais... Calme-toi, ma puce, ça va aller. Mais oui. C'est un garçon ou une fille? Ah ben non, c'est pas soit encore. Hein, on c'est sait pas ça. Encore. Si c'est une fille, ah, si, tu peux l'appeler Daniela. Ah, si, on peut savoir avec aussi le coccinum. Ça faudrait nous dire qu'on va rien comprendre. Là. Virginie, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie, c'était le chéri, je t'ai fait cocu. Non, c'est pas vrai. Mais si, en plus, il a fait ça. C'est bien un mec, il a fait ça pour gagner une console. Alors que t'es enceinte, pardon. C'est dégueulasse. Vraiment, pardon. Et nous, on savait pas que t'étais enceinte, sinon on n'aurait pas fait. Pendant que tu souffriras le martyr, et bien lui, il jouera à la console. C'est pas possible. Voilà, donc il repart avec une console, la nouvelle PS3 et le jeu Colin McRae Ray. Colin McRae Ray. Colin McRae Dirt 2. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, si c'est un garçon, il jouera avec toi. Oui, bah oui. Bah si c'est une fille, vous pourrez l'appeler Daniela finalement. Oui, pourquoi pas, ouais. Bah oui, on va réfléchir à ça, ouais. Bon, ça va Virginie? Oui, ça va. Là, quand même, parce que. Bon, mais il y a quand même moyen de mettre une cartouche ou pas? Non, ouais, mais ce soir je vais me faire engueuler les gars. Non mais attends, ce soir je vais me faire engueuler les gars, c'est genre vous m'avez forcé à appeler. Ouais, t'as rien demandé moi. T'as gagné un beau cadeau, ça va, c'est tout ça, va bien. Déjà t'as gagné un cadeau d'une valeur inestimable. Enfin ouais, si, ouais, c'est estimé. Ça. Mais... ça va, c'est génial alors. Bon, je vous fais des gros bisous tous les deux. Merci beaucoup. Ouais. À bientôt. Salut, salut. Désolé, pardon. Ciao, bye bye. Oh l'autre, désolé. Non, j'ai dit un truc dégueulasse. Je m'en fais. Ah oui, oui, bah oui, heureusement. Du coup, on a pas pu mettre la pub. Je suis vraiment égoïste. Là, il y a monsieur faire qui va passer, du coup il va râler. Pourquoi? Bah non, il passe à l'heure, qu'est-ce qu'il va nous faire chier? Mais non, mais c'est vrai. Il passe à l'heure. J'arrête de parler avec toi. Mickaël, le podcast. Bon allez, on va parler vite fait de Secret Story là pour ceux qui vivaient dans une grotte vendredi. Donc c'était Nikos qui animait l'émission, hein, faut quand même salut le savoir. Ah salut. Salut. Vous avez vu, j'ai été bon vendredi. Hein. Ah bah ouais. C'est bien le problème Nikos, tu as été trop bon et puis maintenant Castaldi elle a vraiment mauvais. Hein. Ouais mais c'est pas la première fois que ça lui arrive, hein, quand il avait été remplacé par Virginie Efira, à la nouvelle star en fait, bah dès qu'il est parti les audiences ont été meilleures. Mais oui Lelou, c'est moi le meilleur. Mais vous savez quoi Lelou, j'ai trouvé quelqu'un qui se trompait plus que moi. C'est off. Enfin cela dit Nikos, il est quand même difficile de faire pire que Benjamin Castaldi. D'ailleurs à la fin de l'émission, Benji a annoncé un heureux événement. Oh il va être papa. Non pas exactement. Et j'aimerais vous faire part de la naissance de deux Ouistiti baptisés Benjamin et Castaldi de la réserve de Sijan. Je sais pas comment je dois le prendre mais bon. Voilà. C'est mignon comme ouais, tout. C'est à dire que voilà. Les gens maintenant ils appellent leurs animaux de compagnie par le nom de Benjamin. Ça, c'est beau. Hein. Bon sinon il y a une autre nouvelle importante aussi dans la maison des Secrets. Oui, il y a Jonathan et Sabrina qui se sont séparés. Ouais. Et après 3 jours d'amour, c'est beau, on sent pas du tout la manipulation ouais, de la prod. C'est vrai, mais on en parlera dans quelques instants. Avant, faut qu'on parle de la révélation du magazine Oups. Oh, c'est quoi? Eh bien, il paraît que Angie, Cindy et Romain auraient eu un plan à 3 dans la maison. Oh, arrête. Eh ouais, mais où ça? Dans les chiottes de la maison. Oh. Non. Ouais, parce que c'est le seul endroit de la maison en fait où il n'y a pas de caméra et c'est la meilleure amie de Cindy qui raconte apparemment. Ouais, mais c'est des conneries, ça. Comment la meuf elle peut savoir, elle est pas en contact avec Cindy? Bah, Cindy justement aurait appelé sa copine depuis la maison pour lui raconter. Et donc elle m'a parlé d'un plan à 3 avec Angie et Romain dans les toilettes. C'est Angie qui aurait eu l'idée, Romain l'embrassait pendant que Angie s'occupait d'elle. Voilà, c'est ce qui était dit. S'occuper d'elle, c'est-à-dire lui bouffer le cou quoi. Oui, en gros. Oui, mais dans Oups, il parle bien. Bien sûr. Donc, mais faudra... raconte ça pour faire parler d'elle. Faudra attendre la sortie de Cindy en fait pour savoir la vérité. Donc sinon Sandro, on parlait tout à l'heure là, Sabrina et Jonathan ouais. Ne sont plus ensemble hein. Donc pour rappel, vendredi Jonathan et Daniela se sont expliqués. Réponds-moi juste à cette question, comment tu peux changer d'avis en 2 jours? C'est pas changer d'avis, c'est essayer de gérer une situation, essayer de se persuader tous les jours que tu vois il y a une situation qui te convient et que tu l'as. Jeanne, parle-moi dans une langue que je te comprenne, ne commence pas à parler avec des langues d'Einstein. Et donc à la fin Jonathan se fait bien manipuler par Daniela. Ouais, enfin c'est surtout qu'il s'est rendu compte que Daniela il pouvait la fourrer tout de suite. Oh. Tout le monde ne pense pas qu'avec sa bite. Oh, si lui oui. Oui à la limite oui c'est vrai. Bon allez on va réécouter la fin de l'entrevue entre les deux ex. T'es tellement bon que ça, tu crois que moi je suis pas en manque ou quoi? Mais je suis humain comme toi, je suis humaine comme toi. Moi je t'ai respecté jusqu'au bout. Où est-ce que tu vois du manque? John, écoute-moi. Où est-ce que tu vois moi je t'ai respecté. Tu sais à l'extérieur combien de mecs il y a à l'extérieur? Mais je peux même pas t'imaginer. La tentation est beaucoup plus grande qu'ici à l'intérieur. Voilà, donc comme on n'a pas pu voir la rupture de Sabrina et Jonathan, qui s'est soi-disant passé dans la salle CSA, on va devoir se contenter des réactions des autres. La première a donné son avis évidemment. C'est Cindy. L'invincible leader de la maison des secrets, enfin leader, ça m'écorche toujours la bouche de le dire et ça vous le savez, d'un coup s'est fait tourner la tête par deux nanas. Ouais. Alors sa tête, une vraie girouette, il ne sait plus où aller, il ne sait plus quelle direction prendre, il est déboussolé, il a trop tourné, enfin bref, le Jonathan a perdu la tête. Il a trop tourné, j'aime bien ça. Voilà, il a trop tourné. Mais rassurez-vous, il n'y a pas qu'elle qui donne son avis, notre ami FX aussi en profite pour cracher sur Jonathan. Hein. John... faut pas oublier que c'est quelqu'un de très très intelligent. Mais il est pas malin. Donc du coup, à chaque fois, bah ça lui retombe dessus. C'est ce qui se passe dans ses relations. Voilà, Daniela, Sabrina, il leur fait du mal à toutes les deux et c'est pas cool. Ah non, non, c'est pas sympa. Ouais. Et puis surtout, quand t'es intelligent, bah t'es pas malin. C'est ça. Mais celui qui en parle le mieux au final, c'est quand même Jonathan. Ah oui, c'est possible. Mais oui. Et au fond de moi-même, je la connais la réponse. Et c'est pour ça que je me dis, mec, mais qu'est-ce que tu fais là? T'essaies de te convaincre de quoi? De pas être avec une parce que t'as envie d'être avec l'autre, ou de pas avec la... de te mettre avec l'autre parce que tu gères pas le fait d'avoir vraiment envie d'être avec la première? C'est dur. Hein. Oh, tu vois ma tête comment elle bosse déjà. Oh là là, ça bosse, ouais, ça bosse ça, fort. Ça bosse là. Dur dans sa tête. Oh, ouais. Ça bosse fort, jeu de mots. Ça bosse bravo. Fort. Bon, on sent que c'est la fin, donc ça devient de plus en plus difficile, même pour les meilleurs. Hein. Pas vrai, Didier? Là, il n'y a du tout plus de clan, c'est l'individualisme total. L'individualisme. Ah, c'est dur. Allez. Attends, je veux me le remettre. Vas-y, vas-y. Là, il n'y a du tout plus de clan, c'est l'individualisme total. Mais il est grave. Là, il y a du tout plus de clan. Ouais. C'est l'individualisme. Bah, c'est Vanessa, c'est les cachets qui prennent, je crois. Ouais, c'est surtout que Vanessa n'est plus là, donc du coup il se dit bon, faut que je rattrape un peu le créneau, quoi. Ouais, ah, il est fort. Cachets, là, il y a du tout plus de clan, c'est l'individualisme total. Ah ouais, bah, oui, l'individualisme. Allez, ouais, c'est fini pour ce soir, mais comme dirait Benji, me reviens demain. Quelle chance. Bon, sinon il y a Christine qui est là maintenant et qui apparemment a les dernières nouvelles toutes fraîches. Allô. Allô. Salut. Ouais, Michael. Allô. Salut les filles. Bonsoir Christine. Ça va tout le monde? Ça va et toi? Oui, et toi? Ouais. T'as l'air en pleine forme, hein? Comment? J'ai dit t'as l'air en pleine forme. Ouais, toujours. Bah tant mieux. Oui, Adi. Bon, alors, comment ça se passe? C'est quoi les dernières nouvelles de la house? Eh ben, avec Jonathan, là, il m'énerve ce mec, hein. Il n'arrive rien à gérer, ni avec l'une, ni avec l'autre. C'est du n'importe quoi. Hein. Il s'explique même pas avec la Sabrina. Oui, mais là, c'est... Mais si, ils sont expliqués. Non, ils ont décidé de ne plus parler. Il lui dit rien du tout. En même temps, il peut rien dire. Il pourrait même sortir avec Cindy si elle lui retournait le cerveau. Mais... Oh non, Cindy, elle est intelligente pour sortir avec lui. Non, mais hein. Si elle voulait, elle pourrait la voir, Cindy, ouais. Aussi, je pense. Mais je pense que Cindy, elle aurait pu avoir tous les mecs de la maison. Hein. Mais Christine. Ouais. Tu j'ai vu dans le standard, t'as dit à Michel que t'as apporté les dernières nouvelles. Là, t'es juste en train de réagir sur. De nous dire ce qu'on fait. Oui, c'est un connard, hein. C'est vraiment un trou du cul. C'est un connard, oui. C'est... Ouais. Moi, j'ai vu une info sur internet. En fait, apparemment, la confrontation qu'il y a eu entre Jonathan et Daniela, c'était enregistré. C'était pas du tout en direct. C'est pas apparemment, c'était vraiment. C'était vraiment. Ouais. Voilà. Donc, ils ont pu comme ça couper, faire un montage de ce qu'ils voulaient. Ce qui est marrant, c'est que après, ça fait partie du jeu. Ça, on peut pas leur reprocher. C'est que quand ils voyaient Daniela avant, ils la voyaient 5 secondes et puis ils les séparaient. Ouais. Et là, ils ont eu tout le temps qu'ils voulaient. Ah là, ils ont eu du temps. Hein. Bah oui, le but c'était de que Daniela réussisse à foutre la merde entre. Ce qui était drôle, c'est que quand Daniela était face à la vitre, tu sais, elle avait tellement envie de toucher Jonathan, je sais pas si vous avez vu, elle essaie de passer son doigt. Psychologique, hein. C'est psychologique pour elle, mais elle essaie de mettre son doigt dans le trou. Ouais. Parce que le trou il est minuscule, hein, c'est pas possible. Même une paille ça rentre pas dedans. Et tu sais, les dernières infos, on a pas grand chose parce qu'ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer en fin de compte. Hein. Bah c'est ça, toi, c'est ça le problème de la prod. T'étais pour Vanessa toi. Moi? Ouais. J'suis non, c'est une question. Non. Ah tu non. Soutiens qui là? Tu soutiens qui là? Qui doit gagner la finale? La finale c'est Cindy. Ah oui. Ah Cindy doit gagner, ouais. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure. C'est la meilleure. En fait c'est la seule pute qui s'assume. Hein. Oh. Non mais quand je dis ça, je dis ça avec affection. Ah oui, bah bien sûr. Et ce qui est énorme, c'est que Cindy, elle n'est pas encore sortie, mais déjà son film de cul est disponible sur internet. C'est pas mal ça. Ça m'étonne que tu l'aies pas encore regardé. Mais que... Bien sûr que si, ne t'inquiète pas. Ah bon, d'accord, ok. C'est vrai que des images, demain. Des images en tout cas qui diffusent, t'as l'impression que c'est Cindy qui en a le plus dans la tête entre guillemets quoi. Ouais, c'est ça. Elle en a le plus dans la tête. C'est pas le Jonathan là. Ah bah non, c'est sûr. Il a rien dans le crâne, ça. Non, mais c'est pas parce qu'il se fait un peu manipuler le cerveau par les meufs qu'il a rien dans le crâne, faut pas dire ça non plus. Il est un peu faible d'esprit par rapport aux nanas. C'est juste que le mec, ça fait 2 mois qu'il a pas trempé le biscuit, au bout d'un moment, le mec, il est comme la vraie. Comment est-ce qu'il a pu croire à un moment ou à l'autre qu'il devait se mettre avec Sabrina? C'est un autre problème. Mais en fait, il voulait être le premier. Il s'est chié dessus par rapport à la famille. Peut-être. Parce que la famille de Sabrina, parce qu'elle a une famille quand même... assez olé olé, donc il a peur de sa famille. C'est pour ça qu'on connaît personnellement. Je crois que c'est des gitans, non, en fait. Mais bon, d'après ce qu'on entend. Ouais, et je pense que l'autre il a eu peur de se faire défoncer par le frère ou quoi en sortant. Ouais, comme il y a elle peut-être veut rester vierge, soi-disant. Bon, Christine. Ouais. C'est pour ça qu'il préfère Daniela. Au moins lui, il est sûr que quand il sortira, hop, elle écarte les jambes. Bah, elle est pas vierge. Ça, c'est sûr. Elle attend que ça. Hein. Christine. Elle a 51 ans. Tu vas aller dans Secret Story ou pas, Christine, l'année prochaine? Ah non, je pourrais pas, moi. Ah bon, pourquoi? Ah, t'as pas de secret. Attends, c'est t'as... tout. Ah non, t'aurais des secrets. T'aurais un bon secret à donner, toi? J'aurais un bon secret? Si t'allais dans le jeu. Non, même pas. Amoureuse de Toff? Non. Ah Non. Fan de Secret Story, c'est un bon secret, ça. Ouais. Ouais. Non, ouais. C'est nul. Ça fait 51. Si, il y a 51 ans, oui. Je pourrais pas être enfermé comme ça tout le temps. Ah, mais je comprends. Non, et puis avec des mecs que... et puis que tu peux rien faire, non, ça peut pas. Ah oui, bah, je comprends. Alors si c'était avec des mecs et que tu pouvais faire, là, par contre, tout ça serait mieux. Bah tu peux, hein, y a des toilettes pour ça, regarde en vrai. Romain et Bon, allez Christine. Ouais, il faut savoir que Christine est spécialiste de la pipe sans les dents. Hein. Tout à fait. Oh. Bon Christine. Attends, oui. T'abuses, tu crains. Je te fais des bisous Christine. Moi aussi je fais des gros bisous. À bientôt. Je vais faire une dédicace. Allez vas-y. À Sandra puis à tout le chat. D'accord, bon, on embrasse tout le monde. À 51 ans, tu as le chat. Bisous. Oui, attention. Ciao, l'équipe. Hey, ciao Christine. Et au taquet la technologie, Christine, qu'est-ce que tu crois? Regarde ta mère à la Facebook. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ta mère à la Facebook. Ma mère à Facebook. Bien sûr que oui. Bah bonsoir madame. Je me fais poker à tout bout de champ. Ma mère à MSN et ma mère à Skype. Voilà. Je me fais lolé. Alors que Toff n'a même pas Facebook. Non, c'est vrai. Mais c'est une merde, il connaît rien. Si, ouais. Ce mec-là, il doit avoir Facebook. Hein. Ah, planqué, ouais. Ah ouais, grave. Il s'appelle le gros lapin chaud. Barbe rousse. En fait, c'est besoin de caution. Oh là là, c'est un truc de ouf. Mickaël, le podcast. Bon, allez, bienvenue dans le mag du jour, de l'actu condensée à notre sauce. On ne perd pas de temps et on démarre avec les titres du jour. Grippage, je suis donc officiellement... Ah non, merde, non, c'est pas ça. La vaccination déclenche la polémique alors que des millions de doses seront disponibles dans un mois. Les Français sont de plus en plus sceptiques sur la pertinence d'une vaccination de masse avec un produit élaboré et fabriqué en seulement 4 mois. C'est ce que je disais tout à l'heure. En ligne de mire, les adjuvants, ces molécules d'aluminium et de mercure que l'on ajoute au vaccin pour les rendre plus efficaces. Ah bah super, le vaccin sera très efficace. Personne mourra de la grippe A puisqu'on crèvera tous de l'aluminose ou de l'intoxication au mercure, mais pas de la grippe A. Voilà. C'est pas mal. Hein. Allez, la polémique continue suite aux propos controversés de Brice Hortefeux face à un jeune militant maghrébin. Hier, plusieurs membres de l'UMP se sont retrouvés lors d'une réunion à Paris. Xavier Bertrand a fait un discours dans lequel il apportait son soutien à Brice Hortefeux au nom de l'UMP. Dans l'assistance, tout le monde a applaudi, sauf la secrétaire d'État au sport, Ramayad. Ouais, elle aurait déclaré, tant qu'il n'y a qu'un raciste au gouvernement, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. La série de suicides chez France Télécom préoccupe le gouvernement qui a demandé hier soir au PDG Didier Lombard de convoquer un conseil d'administration. Christine Lagarde, la ministre de l'économie, a appelé au dialogue au sein de l'entreprise. Oui, elle a même déclaré les suicides, tant qu'il n'y en a qu'un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, nous avons un délégué syndical de France Télécom avec nous au téléphone, François Dugrillon. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Allô. J'entends rien. Allô. Oui, monsieur Dugrillon, nous sommes là. On vous entend, nous, hein. Oh, y a quelqu'un? Oui, on est là. Je savais que j'aurais pas dû appeler du bureau. Allô, j'en ai marre de cette boîte de merde. Allô. Allô, est-ce que vous nous entendez? Allô. De vie. Ah. Allô. Monsieur Dugrillon. Allô. T'as pas entendu? Bon, je crois que malheureusement nous avons été coupés. Sans transition, on passe au sport. Allez, basket, les Bleus de Tony Parker enchaînent les victoires déjà qualifiées pour les quarts de finale de l'Eurobasket 2009. Ils ont battu hier soir la Croatie 87-79. Ils affronteront demain les championnats d'Europe en titre, les champions, pour la première place du groupe E. J'ai vu que le Portugal n'a pas participé à la compétition. Non, ils ne se sont pas qualifiés, aucun Portugais cette année sur les terrains de basket. Ouais, il y a quand même Joao Domingo qui évolue sur le terrain dans l'équipe du Portugal. Ah bon, il joue dans quelle équipe? L'équipe de jour, hein, celle qui nettoie le parquet. C'est drôle ça, pauvre con. Ouais. Et c'est la tendance inverse par contre pour l'équipe de France de volley. Pour la quatrième fois de leur histoire, ils ont trébuché hier sur la dernière marche du championnat d'Europe face à la Pologne. Ouais, a priori Philippe Blin, l'entraîneur de l'équipe de France, aurait reçu un coup de fil de Domenech juste avant le match qui lui aurait donné quelques conseils. Ouais, exact, puisqu'après la rencontre, il aurait déclaré « J'aurais pas dû l'écouter, je me suis fait dominiquer ». Allez, on passe à autre chose maintenant et on poursuit ce mag avec le con du jour. C'est le con de Toff et ce con aime les concerts. Oui, alors donc en fait mon con c'est un jeune con hein, puisqu'il a 19 ans et en fait il voulait aller en Bretagne pour aller à un festival, le festival de Saint-Nolf. Ouais. Déjà faut être con pour aller en Bretagne. Surtout pour le festival de Saint-Nolf. Non, c'est un gros festival. Hein. En plus il y a des putains de stars dont j'ai oublié les noms et surtout il y a quand même 20 000 personnes qui participent au truc. Donc bon, ça va. Qu'est-ce qu'il arrive à ce con? Et ben donc en fait notre con il se rend donc à ce festival hein, mais d'abord passons à un autre personnage clé de l'histoire, c'est le conducteur du TGV qui faisait la liaison Quimper-Paris. Ouais. Et qui découvre un homme allongé sur la voie et devinez qui c'est. Bah, le con. Exactement, en fait, c'est notre con qui s'est allongé sur la voie. Mais rassurez, je vous rassure tout de suite, hein, il ne travaille pas pour France Télécom et il n'a pas essayé de se suicider. Ouais. Si c'était Pete Doherty, on aurait su ce qu'il faisait sur les rails, mais lui, c'est quoi. et ben en fait, laisse-moi terminer. Tu vas comprendre pourquoi en fait c'est un con. Donc en fait, le conducteur, donc déjà, il voit le mec, donc il essaye de s'arrêter avec son TGV, mais il passe quand même sur le corps du con. Ah, oui, c'est dégueulasse. T'arrêtes pas un TGV comme ça. Mais il est mort, je vois pas pourquoi il est con. Eh bien non, il n'est pas mort en fait. Donc non. Le conducteur freine, puis donc il descend pour voir ce qui se passe. Et là, il voit en fait le con en train de se réveiller. Mais donc il était en train de dormir quoi. C'est vraiment un tocard. En fait, ouais, c'est pas fini encore l'histoire. Donc en fait, quand les pompiers et les gendarmes donc sont arrivés, donc il a ouvert les yeux. Et il dormait encore. Ouais, le mec dormait à point fermé. Hein. Donc là, en fait, il ouvre les yeux et il leur fait un gros fuck. Hein, donc, aux gendarmes, aux pompiers, aux mecs, aux passagers du TGV, aux chauffeurs du TGV. Et en fait, il se rendort. Quel bâtard. Mais tu sais, franchement, t'es à la place d'un des passagers, t'as envie de tuer le mec. Ouais. Donc en fait, juste pour terminer l'histoire, en fait, il était bourré, il s'était assoupi sur la. Ah d'accord. Oh, con et il est surtout chanceux en fait cet enfoiré. Bon, c'était donc notre con du jour. Allez, aujourd'hui dans le petit truc du jour, on parle culture et de cinéma plus précisément. Et là, je vais lancer un pavé dans la mare, hein. Je vais briser des tabous, je vais dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ça m'étonne pas de toi. Le cinéma c'est cher. Oh putain, t'es un ouf. Voilà. T'as tiré des ennuis toi, hein, franchement. Oui, mais je m'en fous. À un moment donné, il faut s'engager, c'est bien de faire rire les gens, mais des fois, il faut savoir prendre position. Du sais, j'ai dit c'est ma peau. Oh là, oui, enfin, n'abuse pas non plus, hein, on est juste en train de parler de cinéma. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, mon astuce du jour, donc comment payer moins cher sa place de cinéma? Eh bien, c'est facile, il existe deux solutions. Et là, tu as remarqué que le roux est attendu l'oreille. Oui, le roux ne dit plus rien. La première est la plus connue, donc je crois qu'elle doit être aussi vieille que je sais pas moi, que la construction des premiers cinémas. Donc, vous attendez devant la porte de sortie des spectateurs et vous profitez d'une fin de séance. Hop, pour vous engouffrer à l'intérieur du cinéma en espérant ne pas vous faire choper par les caméras de surveillance. Bon. Et la seconde est déjà moins répandue. En fait, il suffit de vous couper les jambes au niveau des genoux pour pouvoir passer sous le comptoir sans être vu par l'ouvreuse. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais sinon, il y a une autre solution en ce moment. Jusqu'à mercredi, il y a la rentrée du cinéma. Ah ouais. Et en fait, ils font une opération qui propose dans toute la France un tarif de 4 euros la séance. Donc ça va. C'est beaucoup mieux que se couper les genoux. Hein. Ouais. C'est pas mal non plus. Hein. Bon, puisqu'on parle ciné, le festival du cinéma américain de Deauville a sacré un film sur la guerre en Irak hier, The Messenger. Harrison Ford donc était aussi présent, il a éclaté en sanglots lorsqu'il a reçu un hommage pour l'ensemble de sa carrière. C'est pas l'émotion hein, qui l'a fait pleurer, il s'est juste rendu compte que sa carrière était derrière lui et qu'il était plus proche de la fin que du début. Bon, heureusement, Calista Flockhart, l'interprète d'Ali McBeal, c'est tellement plus facile à dire, qui est aussi sa femme, était là pour le soutenir. Ouais, mais elle s'est cassée en deux en fait quand il s'appuie sur elle. Oh. Bon, le Mac du jour touche à sa fin. On passe maintenant à la revue de presse des citations les plus débiles de nos amis people. Qui a dit « Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas à avoir peur d'être filmé » ? Bah, Brice Hort. Eh oui, vas-y. Hortefeux. Ah oui, bonne réponse. Putain, pas mal. Pas mal, Rudy. Ah ouais, attends. Eh, bravo. Ah bah oui, c'était très très dur. Hein. Bravo, c'était bravo. Lui ou Hamid. Hein. Ah, c'est vrai. Hamid. Bon, Amine, oui. Qui a dit... Perdu son nom. Qui a dit « Si vous pouvez offrir une... Si vous pouvez vous offrir une prostituée, vous pouvez payer une femme de ménage. » C'est vrai, il a raison. Non. Berlusconi, il est mort. Hein. David Beckham, parce que lui, il s'est acheté les deux. Ouais. Cristiano Ronaldo. Non. Ah ouais. Attends, redis. Indice en bas de votre... Alors, si vous pouvez vous offrir une prostituée, vous pouvez vous payer une femme de ménage. Petit indice en bas de votre radio. Elle est née avec une mouche collée sur la gueule. Une mouche collée sur la gueule. Non. Madonna. Non. Lio. Non. Français. Non, ouais, non. Mastroianni. Non, ouais, non. Non. Non. Avec une mouche collée sur la gueule. Elle. Américaine. Ouais. Cindy Crawford. Ah, Jack. Qui explique comment elle a gardé son mariage intact. Hein, je pense que c'est probablement un bon investissement pour les hommes de payer quelqu'un pour sortir les poubelles. C'est probablement moins cher de payer une femme de ménage pour votre femme qui sera alors sans doute plus disponible pour faire l'amour plutôt que de payer une prostituée ou un divorce. Pas bête. C'est pas con du tout. Hein. Ouais. Qui a dit « Je testerai l'homosexualité » Duff de l'émission Sans Interdit. Non, il a déjà testé. Là. Ouais, c'est déjà fait. Vincent McDoom. Non. Steve-O de Jackass. Non. Bah, ça peut être du monde hein. Non, Jamie et l'autre là de Fred. C'est pas sorcier. Petit indice en bas de votre radio. Nikos pendant ses vacances en Grèce. Il écoute Nanamous courir à fond dans sa voiture en allant travailler. Bonne réponse pour Monsieur Roux. Oh putain. Il a dit ça dans quel cadre? Nikos, quand on lui a demandé ce qu'il ferait s'il lui restait 5 minutes à vivre. Il est bizarre de dire ça. Ah, attends. Enfin Nikos, qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, Loulou, mais... C'est pour renouer avec les racines. C'est pour renouer avec les racines. C'est ça, mon loup. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bizarre. Hein. Bon, allez, ça en est maintenant terminé de ce Mac du jour. Un autre Mac du jour, un autre jour. Mickaël, le podcast. Roux, des news au niveau footballistique. Bon, on fait un petit point sur le classement, vite fait. On va pas répéter tous les matchs. Bah oui, parce que bah, le PSG a chuté, là. Paris a perdu. A trébuché. Ouais. Eh ouais, a trébuché, ouais. Enfin, ils sont dans un trou, hein. Alors, pour. Ils sont pris les pieds dans le rocher. Je peux même faire un résumé du match, si vous voulez. Boum. C'est très rapide. 2 buts. 86ème minute, premier but. 87ème, deuxième but. 88ème, carton rouge. C'est allez, vrai. C'est 3 minutes à outside. Direct. Voilà. Ah oui, donc ça veut dire que la prochaine fois, ils doivent jouer à 10, non? Non, mais c'est juste que celui qui s'est fait sortir, il peut pas jouer. Stéphane Cessaignon, donc le il jouera pas la prochaine fois. Voilà, le meilleur joueur de Paris en ce moment. Ah oui. Il jouera pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, il a pris 2 jaunes, ça ouais. Non, mais... il a pris un rouge. Oui, en fait, il a pris un jaune et puis après il a pris un rouge. Non, il a pris un rouge. Bah, il a pris un jaune au début. Non. Ah bah alors l'équipe.fr elle prend que de la merde. Hein. Ah non, mais c'est pas un deuxième jaune qu'il a pris. Hein. C'était mérité son rouge ou pas? Non, il a pris un jaune et un rouge. Ah donc il a quand même pris un jaune au début. Ah bon, il a pris un jaune. Enfin ouais, je suis pas son match, c'est quand même incroyable parce que j'ai lu aussi moi. Ah bon. Non mais. Tu prends un jaune et au deuxième jaune c'est un rouge. Non, tu peux prendre un rouge tout de suite. Hein. Ah oui, ou un rouge tout de suite. En fait, oui, enfin, ça là c'est logique. Ah, il a pris un jaune et un rouge. Bref, en tout cas il est sorti, mais c'est quoi? C'est mérité ou pas? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, si tu veux, il y a la balle qui est arrivée vers lui et forcément il y a un joueur qui a levé la jambe pour avoir la balle. Et Cessaignon en fait il a levé le pied. Ce qui fait que le pied a tapé oui, en plein sur le tibia. Ah, donc c'est mérité. Donc c'est hyper dangereux, c'est mérité. Oui, c'est mérité, mais je me rappelle un PSG Marseille. Il cherche des excuses. Non, je me rappelle un match en 1972. Oui, bah il y a des erreurs partout dans Djibril les matchs. Djibril Cissé a taclé Mario Yepes, c'était exactement la même chose et Djibril Cissé est resté sur le terrain. Il n'y a même pas eu de carton. Ouais, mais bon, c'est comme le goal là dans l'équipe de France là, le match qu'on a vu la semaine dernière où il a pas touché le ballon et il est sorti. Et Val qui dit allez Paris, on est derrière vous. Oui, ça c'est sûr. Non, mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Les Marseillais aussi, ils sont derrière Paris, mais pas pour les mêmes. Ans. Il avait pris un jaune à la 65ème, donc c'est un deuxième jaune. Non, c'était pas un deuxième jaune, ça, il a mis un rouge. Enfin bon, en tout cas, Il est dehors quoi. De quoi, oui, et donc la prochaine fois, il joue quand même à 11. Il a pris un jaune à la 65ème et il a reçu un rouge à la 90ème. Ah d'accord, donc c'est vrai. Ouais, donc c'est justifié, puisque s'il fait une faute, il reçoit un carton jaune. C'est le deuxième, pas de chance. Non, c'est pas ça bosse bravo. Fort. Bon, on sent que c'est la fin, donc ça devient de plus en plus difficile, même pour les meilleurs. Hein. Pas vrai Didier? Là, il y a du tout plus de clan, c'est l'individualisme total. L'individualisme. C'est dur. Allez. Attends, je veux me le remettre. Vas-y. Là, il y a du tout plus de clan, c'est l'individualisme total. Mais il est grave. Là, il y a du tout plus de clan. Ouais. C'est l'individualisme. Ouais, c'est les cachets qui prennent, je crois. Ouais, c'est surtout que Vanessa n'est plus là, donc du coup, il se dit bon, faut que je rattrape un peu le créneau, quoi. Ouais, il est fort. Caché, hein. Là, il y a du tout plus de clan, c'est l'individualisme total. Ah ouais, l'individualisme. Allez, c'est fini pour ce soir, mais comme dirait Benji, me reviens demain. Quelle chance. Bon, sinon il y a Christine qui est là maintenant et qui apparemment a les dernières nouvelles toutes fraîches. Allô? Allô, salut. Ouais, salut les filles. Bonsoir, salut. Christine. Ça va tout le monde? Ça va et toi? Oui, et toi? Ouais. T'as l'air en pleine forme, hein? Comment? J'ai dit t'as l'air en pleine forme. Ouais, toujours. Bah tant mieux. Oui, Adi. Bon, alors, comment ça se passe? C'est quoi les dernières nouvelles de la house? Eh ben, avec Jonathan, là, il m'énerve ce mec, hein. Il n'arrive rien à gérer, ni avec lui, ni avec l'autre. C'est du n'importe quoi. Hein. Il ne s'explique même pas avec la Sabrina. Oui, mais là, c'est... Mais si, ils sont expliqués. Non, ils ont décidé de ne plus parler. Il lui dit rien du tout. En même temps, il peut rien dire. Il pourrait même sortir avec Cindy si elle lui retournait le cerveau. Mais... Oh non, Cindy, elle est très intelligente pour sortir avec lui. Non, mais hein. Si elle voulait, elle pourrait la voir, Cindy ouais. Aussi, mais, je pense. Mais je pense que Cindy, elle aurait pu avoir tous les mecs de la maison. Hein. Mais Christine. Ouais. Tu, j'ai vu dans le standard, t'as dit à Michel que t'as porté les dernières nouvelles. Là, t'es juste en train de réagir sur. De nous dire ce qu'on fait. Oui, c'est un connard, hein, c'est vraiment un trou du cul. C'est un connard, oui. C'est... Ouais. Bah, j'ai vu une info sur internet. En fait, apparemment, la confrontation qu'il y a eu entre Jonathan et Daniela, c'était enregistré, c'était pas du tout en direct. C'est pas apparemment, c'était vraiment. C'était vraiment, voilà. Ouais. Donc ils ont pu comme ça couper, faire un montage de ce qu'ils voulaient. Ce qui est marrant, c'est que après ça fait partie du jeu, ça on peut pas leur reprocher. C'est que quand ils voyaient Daniela avant, ils la voyaient 5 secondes et puis ils les séparaient. Ouais. Et là, ils ont eu tout le temps qu'ils voulaient. Ah là, ils ont eu du temps. Hein. Bah oui, le but c'était de que Daniela réussisse à foutre la merde entre. Ce qui était drôle, c'est que quand Daniela était

Enfin bon, en tout cas, plusieurs... En tout cas, il est dehors quoi. De quoi oui, et donc la prochaine fois, il joue quand même à 11. Il a pris un jaune à la 65e et il a reçu un rouge à la 90e. Ah d'accord, donc c'est vrai. Donc c'est justifié puisque s'il fait une faute, il reçoit un carton jaune. C'est le deuxième, pas de chance. Non, c'est pas le deuxième jaune. Si, non. Si, il en a pris un à 65e. Quand tu mets carton jaune et ensuite tu mets rouge, c'est pas forcément parce que t'as mis un deuxième jaune. Normalement, dans la règle. Mais il a quand même pris un jaune à la 65e. Oui, ça, je suis d'accord. Parfait, merci, voilà. Merci Roux. C'était pas pareil. Deux jaunes, c'est pas l'équivalent d'un jaune et d'un rouge. Je veux dire, d'accord. Bon, et alors. Non, mais j'explique, c'est hyper important. Oui, parce que quand t'as deux jaunes, c'est pas forcément un rouge. Si. Si, en fait, t'as un rouge, mais quand tu prends deux cartons jaunes, le carton rouge que tu prends derrière, il est pas synonyme de suspension. Là, c'est comme s'il avait pris trois cartons jaunes. Ah, d'accord, d'accord. Voilà, la sanction n'est pas la même au final après match. Exactement ça. Ce qui est déjà arrivé sur un match du PSG, hein, trois cartons jaunes pour le même mec. Oui, mais ça arrive assez souvent dans les terrains de foot, les arbitres qui font pas attention. Il y a même un jour un arbitre qui a mis un carton rouge. Le mec a fait oh putain, fait chier et tout. Il est parti se replacer et le mec a rien vu quoi. L'arbitre, il l'a laissé jouer. Donc, bon, allez. Sinon, vite fait au niveau du classement, Bordeaux premier. Ouais. Lyon deuxième. Enfin, ils sont premiers aussi, hein, quasiment. Deuxième, c'est vrai. Premier ex-aequo. Montpellier, c'est les troisièmes avec 11 points. C'est une dédicace à Montpellier. Okay. Montpellier, chatte. Ah oui, d'accord. Et les Marseillais sont quatrième avec 11 points. Paris est juste derrière avec 10 points. Mais si je ne m'abuse, Paris aurait pu être premier s'ils avaient gagné. Non, ils auraient été ex-aequo avec Bordeaux-Lyon. Oui, mais ils auraient été troisième. Ils auraient été troisième. Non, ça dépend de la différence de but. Ils auraient été premiers, ils auraient été troisième. Bah, ça dépend. Tu sais pas combien ils auraient mis de buts s'ils avaient gagné. Ils en ont mis zéro, donc si tu veux. C'est ce que je te dis. Donc c'est. Il aurait fallu en mettre trois, je crois, pour être premier, non? Ouais, voilà, c'est hypothétique. On veut pas savoir. Ah oui, oui, ouais, mais moi je te confirme, c'était. Dernier match, ils en ont mis trois. Oui, enfin c'est le dernier. Ils en ont mis zéro, ils ont perdu. Sinon, les trois derniers, c'est Nice 18e avec 4 points. Saint-Etienne 19e avec 3 points. Oui, et Grenoble qui ne sait pas qu'on a commencé. Grenoble, ils ont pas vu à quoi qu'on avait mais joué. Ils viennent pas au match encore pour l'instant. Si, Grenoble, 0 points. 5 matchs, 5 défaites. Ouais. Et ils ont mis, je crois qu'ils ont mis 2 buts hein, depuis le début. Et ils en ont pris 8. C'est pas mal. J'ai une belle différence de buts. Et voilà, la semaine prochaine, il y a surtout PSG Lyon. Donc sans le meilleur joueur de Paris. Enfin, sans les deux meilleurs joueurs de Paris, puisque c'est Erding et Cécignon. Voilà. Ah oui, c'est ça. Voilà, et, c'est mais ça. Sinon, il s'est passé un truc de ouf dans le championnat amateur aussi. Ouais, c'est assez horrible en fait ce qui s'est passé. On écoutait le président du club de Entraigues. On joue là, on est dans un championnat limite amateur, c'est le championnat de CFA, je crois. Entraigues, c'est dans le Vaucluse. Donc toute la rencontre s'est bien passée. Il y a juste eu quelques petits mots échangés à la fin du match entre les joueurs. Des petites insultes quoi, mais bon. Normal. Ouais, c'est foot, ça. C'est du foot quoi, c'est normal. C'est ça. Mais un joueur du MJC Bollen est rentré au vestiaire. Et qu'est-ce qu'il avait dans son sac de sport à votre avis? Du shit. Non, un flingue. Il a sorti le flingue. Encore mieux. Il est revenu sur le terrain, il a tiré sur un joueur. Le mec donc a été blessé au ventre. Hier soir il était dans un état qui allait beaucoup mieux. Excusez-moi, petite erreur technique. Autant pour moi. Oui, parce qu'on est en enregistré donc. Voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, ouais. Allez, donc en fait, bon, le mec hier s'était stabilisé, le mec avait reçu la balle dans le ventre, évidemment. La balle de fusil, hein. C'était un fusil? Moi j'ai vu que c'était un pistolet. Oui, enfin c'est pas une balle de foot puisqu'on parle de foot. Ah oui oui. Ah oui oui oui. Allez vas-y. Et donc bon voilà, pour l'instant ça va mieux et le mec il est recherché partout quoi. D'accord. Bon, pendant qu'on est dans le foot français, il y a un nouveau site qui vient d'ouvrir. Ouais. Alors ça c'est drôle. Ça s'appelle. Alors si vous voulez aller directement sur le site, vous tapez http://1sms.domenech.fr. 1sms.domenech tout attaché. Donc vous laissez vos messages et en alors, fait ça apparaît sur le site. Le webmaster devrait aller vérifier quand même les messages qui tombent. Ouais, il y a des messages un peu chauds. Je pense que le mec vérifie pas. Je pense que c'est une page qui est pas, ouais, qui est pas du tout sécurisée. N'importe qui met ce qu'il veut quoi. Voilà c'est ça. Donc j'ai relevé quelques textos. Alors il y a un mec qui a laissé un message à Domenech qui lui disait tu pourrais faire perdre le Barça. C'est marrant. À cause de toi, ils m'ont viré de 100% foot pour animer une émission que personne regarde. Bravo chérie, c'était à Estelle. Et sinon il y a un mec qui laisse le numéro de Franck Ribéry. Alors je me suis dit est-ce qu'on pourrait pas essayer d'appeler comme ça? Yes. On peut essayer, ça se trouve on tombe pas sur lui. Si tu veux, ouais vas-y, tiens, attends. Celui-là. Bah je l'ai là, 30 secondes. Attends. Voilà. De toute façon il y a tous les gus qui sont passés derrière qui ont tenter d'appeler et même si c'était le bon je pense qu'il a changé assez rapidement numéro. En tout cas il aime le nord hein Ribéry, 06 59 59 59 59. Ouais, c'est ça, ouais. Ça sonne. Si on tombe sur Ribéry on peut rire. Je pense que c'est un mec qui a dû mettre le numéro de son pote. Même la messagerie au moins. Attends, on aura que ça là. Ah c'est dommage. C'est 06 59. Allô? Allô? Non, c'est une blague, je suis pas là. Ah oui, c'est vous, Franck Ribéry, c'est sûr. Il s'est joué Beautiful Girl hier soir. Il y a quelqu'un qui a quelque chose intéressant à me dire. Ouais, c'est pas drôle. Bon, bah, laisse tomber. C'est rien, c'est un répondeur à la con. Non, je crois que c'était une vanne. C'est pas Ribéry. C'est peut-être une vengeance d'ex ou un truc comme ça. Peut-être. Voilà, tant pis, on n'aura pas eu Ribéry. Sinon, demain, attention. OM Milan AC, ça c'est beau, et Juventus Bordeaux. Allez, Marseille. Ouais, juste pour demain, le match que tout le monde attend, l'OM contre le Milan en Ligue des Champions. Didier Deschamps a déclaré: le Milan reste le Milan. Merci Didier. Sinon, il y a aussi deux bonnes nouvelles pour les Marseillais, c'est Ronaldinho et Seedorf qui commenceront pas en tant que titulaire. Apparemment, Ronaldinho il est au fond du trou. Et il est mauvais. A priori, Deschamps sera demain matin dans le 6-9 par téléphone. Ah. Très bien. Bon, c'est tout pour le foot français. Ouais, par contre à l'étranger il y a plusieurs choses. La Belgique qui revient revient pas. Non, on a juste gagné l'US Open. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. En étant maman. Elle n'y croit pas. David Beckham qui a pété un plomb pendant un match. Tous les joueurs, comme ça se passe souvent, un petit échauffouré, tous les joueurs commencent à s'insulter et lui il arrive et il a pas une autre idée que d'étrangler un adversaire. J'ai mis la vidéo sur mon blog. Vous pouvez la voir. C'est assez violent. T'as pas l'habitude de voir Beckham. Ah ouais, Beckham il s'énerve pas beaucoup. Beckham s'énerver, voilà. Et aussi, c'est un truc surréaliste. On se plaint de nos journaux People. On se dit souvent que ce qu'il y a dedans est inintéressant, mais j'ai trouvé pire. C'est en Espagne, dans le magazine El Mundo. Alors attends, c'est... On ne retrouve plus sa page. Je la cherche en même temps. On apprend que Cristiano Ronaldo est sorti. Il est sorti à Majorque. Ah, pourtant je croyais que Pérez lui avait fait signer une charte comme quoi il avait absolument pas le droit de sortir en boîte de nuit. Lui et à Madrid. Il a pas le droit de sortir, et Benzema non plus. Mais là, donc il était à Majorque dans une boîte qui s'appelle le Mood Beach. Et on remercie Mood. Ah, Mood, d'accord, ok. On remercie la El Mundo de nous tenir informés de ça. Je lis l'article. Il s'est retroussé les manches, puis le meilleur joueur du monde a mangé. Par ordre chronologique. Une salade de chèvre chaud avec une sauce à la moutarde au miel, puis un loup de mer accompagné d'une délicieuse ratatouille. C'est génial. En dessert, une tarte aux pommes accompagnée d'une glace au toffee. Merci El Mundo. C'est génial. C'était l'article le plus intéressant de la journée. Ah bah, grâce à ça, on est au taquet. Alors bon, le truc marrant aussi, c'est qu'il a rencontré Nerea Gallardo, son ex. Donc son ex s'est empressé de lui faire un gros doigt d'honneur avant de se barrer. Très bien. Donc, à la mode en ce moment. Hein. Ouais, c'est vrai. Et sinon, Florentino Pérez, aussi le président du Real Madrid, a déclaré vouloir faire un parc d'attractions Real Madrid. Donc ça permettrait de payer la formation des jeunes joueurs, en tout cas c'est son argument. Donc je me suis dit, tiens, et si on faisait un parc d'attractions pour le foot français? Vas-y. Tous les week-ends, la fête foraine de la Ligue 1 s'installe chez vous. Vous faites comme en Espagne, comme en Angleterre, comme en Italie. Vous aussi, venez rire de notre championnat. Ces pénaltys ratés, ces joueurs aux deux pieds gauches, ces arbitres en carton, ces vieilles gloires sur le retour, découvrez tout ce qui fait le charme du football français. Rejoins l'OM, Bordeaux et le PSG au stand de tir et vise le titre en dégommant Jean-Michel Aulas à la carabine. Ah, il la ramène moins maintenant, hein. Grâce aux auto-tamponneuses, vient revivre la rivalité OM-PSG. Enculé, bâtard, ta mère, fils de... Venez essayer le jeu où même Fabien Barthez a échoué. Ils sont tout jaunes et n'arrêtent pas de couler. La pêche aux Canaries nantais. Oh, c'est la merde, y'a rien à faire. J'arrive pas à les sortir de la Ligue 2, putain, merde, quoi. Venez vous perdre dans les profondeurs du foot français avec la nouvelle attraction, le labyrinthe qu'aucun pays nous envie. Les sourcils de Raymond. Oh non, va pas par là, c'est son cerveau. Il n'y a pas de sortie là-dedans. Venez découvrir en exclusivité locale notre nouvelle attraction adaptée de la BD. Mais où est Charlie? Mais où sont les verts? Bah, laisse tomber, c'est impossible de retrouver le Grand Saint-Etienne. C'est même pas la peine. La fête foraine du foot français. Tous les week-ends sur Canal Plus. Bon voilà. On pourrait le faire aussi, hein. C'était sympa, ouais. C'est mais vrai. J'ai aussi dans le ce foot de ce mois-ci, il y avait une interview de Raël. Donc qui est Raël? Alors Raël, ouais, il faut expliquer. Raël est donc gourou d'une secte. Bah enfin lui il le dira pas, mais et il est. Héros le pense. Non, mais tout le monde le pense. Donc Raël veut dire le messager. Donc, ouais. Pour lui, j'explique ce qui s'est passé. C'est dans les années 70, en fait, il a vu une soucoupe volante. on l'a tous vu, une soucoupe volante à un moment donné de notre vie. Et donc, surtout quand on est fonfon. En plus. Donc il s'est approché, il a rencontré des extraterrestres. Ces extraterrestres s'appellent les Elohim. Donc ça veut dire en hébreu ancien ceux qui viennent du ciel. Mmh. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ces Elohim donc l'ont emmené sur une planète où il a retrouvé à ce moment-là Bouddha, Moïse, son demi-frère perso Jésus et Mahomet. Voilà. Donc ça c'est d'accord. Et il est revenu vivant. Et il est revenu vivant. Et donc voilà. Il dit que lui c'est le demi-frère de Jésus. Donc lui il est voilà, Raël est le demi-frère de Jésus hein. Donc Raël fait une belle interview sur le football. C'est pas un personnage de fiction, hein, c'est un. Non, un cet homme existe vraiment. C'est un vrai mec. Hein. D'ailleurs, le titre de SoFoot, c'est aux frontières du Raël. c'est n'importe quoi. Donc on apprend que Raël est fan de David Beckham. Ah bah très bien dis donc. Alors lui il dit par exemple j'aime son panache, il a le sens du spectacle et ses prises de position sont souvent justes. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai regardé le premier endroit où on parlait de David Beckham dans le bouquin. Donc on remonte juste 10 pages avant et David Beckham dit Jay-Z j'adore, c'est motivant d'écouter ses chansons avant les matchs. Et puis je dois dire que j'ai aussi un gros faible pour les Spice Girls. Et je ne dis pas ça parce que ma femme en faisait partie, mais parce que je pense que ces filles ont révolutionné la musique. Wow. il s'enflamme un peu lui. C'est vrai que les prises de position de Beckham sont très importantes. Ah, et très oui. juste. Oui, très très juste. Alors on lui parle aussi du dopage dans le sport et lui à votre avis pense que c'est bien mal. Totalement acceptable. C'est Raël. Hein. Oui, c'est totalement acceptable, je suis pour, parce qu'il estime que s'il a le choix d'assister à un match entre des amateurs locaux ou des super athlètes gonflés, améliorés génétiquement et capables de performances incroyables, eh bien il préfère les athlètes génétiquement modifiés. Ouais. Faut lui acheter une console de jeu, hein. Ouais, c'est ça, hein. Il veut la nouvelle PS3 qui le lit. Hein. En fait, son argument est bon, il dit c'est comme dans la boxe. Il y a des gens qui peuvent se doper et d'autres qui ne vont pas se doper, comme les poids lourds ou les poids moyens dans la boxe. Parce que effectivement, il a un argument de poids, c'est qu'il a vu dans le futur. De poids, oui. Je viens d'avoir une vision sur le futur, il y aura une catégorie avec les gens qui s'engageront à ne rien prendre et une autre avec les gens pour qui tout sera permis. D'accord. Il peut pas nous lire d'Hortefeux comment ça va se passer ? Hortefeux. Eh mais tu sais qu'il a la tête d'Hortefeux hein, s'il se rase complètement ce mec-là. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Ouais, donc il a dit aussi les clubs c'est génial. Et puis sur la question d'après, il dit j'aime pas les clubs. Bon déjà tu te dis il a un petit souci. Ouais, bah, il a un petit souci à mon avis. Il dit qu'il adore Beckham, il dit j'aime Beckham, il joue en Angleterre, lui. Donc le journaliste lui dit non, il joue aux États-Unis et il est parti de l'Espagne. Ah bon ? Eh ben où qu'il aille, je le regarde pour voir. Donc on a l'impression qu'il a problème. Mais quoi, il a payé l'interview en fait, c'est ça ? Non, mais en fait, il a dû acheter de la place dans le magazine. Ouais. Non, mais pour l'anecdote, c'est que Raël, c'est un ancien journaliste sportif. Ah oui. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi allés le voir. Sauf foot, ils font des trucs un peu bizarres. Ouais. Et donc il est évidemment aussi, ça c'est logique, il est pour le clonage dans le football. Ça, si jamais tu te pètes une jambe, il y en a une qui peut repousser. C'est beaucoup plus pratique. Et si jamais Pelé ou Zidane ou Maradona venaient à mourir, bah, si on pouvait en faire un deuxième, bah, ça serait pratique tant qu'à faire. Ouais, mais il n'a pas parlé de cloner Domenech. Nous cloner Beckham plusieurs fois, il y en a plus d'une qui serait ravi. Hein. C'est ça. Voilà. Donc bon. C'est marrant, achetez-le parce que l'interview elle est marrante. Très bien. Mickaël, le podcast. Il y a Sébastien et Geoffrey qui sont là maintenant pour les questions pour une réponse. Bonsoir les deux là. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Salut. Comment salut, ça va toute l'équipe. Ça va bien. Bon, salut. Oui, ça va bien, ouais. Ça va, j'ai plus mal au crâne. Hein. Tant mieux. Parfait. Ma grippe est passée, je pense. On verra demain. Mmh. On verra demain. Bon, Sébastien, 17 ans, t'appelles du 60. Et Geoffrey, 17 ans également, t'appelles du 55. Ouais. Bon, Sébastien, tu veux jouer avec qui ? Avec Jack. Avec Jack, d'accord. Et Geoffrey, tu veux jouer avec qui ? Le roux. Avec le roux. On joue pour du lourd, là. Et vous jouez PS3 pour... Non, elle est partie tout à l'heure, la PS3. Ah. Vous jouez pour du lourd. D'accord. Voilà, je sais pas ce qu'il y a. Ouais, lecteur DIVX. Allez, je mets le lecteur DIVX avec 10 DIVX de la collection personnelle du roux. Ah, j'ai pas de DIVX. Le DIVX, c'est sur CD, moi j'ai pas de CD. Il a tout sur PC, lui, télécharge. Non. Si. Pas grave, on vous les gravera. Mais non, c'est pas possible. Bah, si. Mais non. Mais non, si tu dis qu'il télécharge pas. Si, je sais. Et non. J'ai pas internet en ce moment. Tu fais pas de la maison, rassure-moi. Comment je fais pour voir les épisodes de Desperate en avance ? Bah tu vas voir sur un site de replay. Non, va voir sur un site de streaming. Ouais, c'est ça, ouais. Le streaming, t'as pas l'air non plus, bah va sur un site replay. Sur un site replay. C'est toi qui me les mets, non ? Bon, allez, bravo Roux ! Pourquoi ? Allez, on y va, c'est parti, nous allons jouer maintenant à question pour une réponse. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement, voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse, attention ça va commencer, on monte le son. Allez, c'est parti. Le roux est tellement fort, je suis à Desperate Housewives, mais à la saison 14. Non. Tellement il télécharge bien. C'est-à-dire que même les Divix sont en retard. Allez, on y va. Sébastien, tu joues avec Jack. Geoffrey, tu joues avec le roux. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, attention. Le premier qui a la bonne réponse, bien sûr, donne son nom bien fort. Sandro, tu ne joues pas. Attention, on y va. Top, vous m'utilisez. Oui. Feu. J'allais faire. J'étais sûr. Il va vous m'utilisez tous les jours et pourtant vous ne pouvez ni me toucher, ni me manger, encore moins me donner une couleur. Vous ne pouvez pas me sentir. Je ne suis pas un animal et je ne suis pas un végétal. Oui. L'eau. Non. Je suis très puissant et violent pour qui ne prend pas de protection pour m'approcher. Je suis. Oui. La grippe. Non. J'ai trouvé. Je suis une interaction de particules chargées sous l'action de la force magnétique. Oui. Le feu. Non. Je suis découvert en 1799 par Alessandro Volta. Mais à la base, Jack. L'électricité. Bonne réponse. Mais à la base, je suis un phénomène naturel qui depuis la nuit des temps a joué un rôle important dans la vie religieuse et le confort de l'homme. Avec le temps, l'homme a réussi à me dompter et m'utiliser grâce à moi. Vous pouvez vous réveiller le matin et griller du pain pour vos tartines par exemple. Vous pouvez aussi brancher des appareils pour vous donner du plaisir. J'ai été et je suis encore utilisé pour tuer des gens sur une chaise. Je suis donc l'électricité. Bonne réponse. Ça nous fait un point pour Sébastien et Jack. Et zéro pour Geoffrey Leroux, tel le PSG qui jouait ce week-end. Question suivante. Vous êtes prêts? Ouais, je peux jouer parce que de toute façon je trouve pas moi. Ouais, je peux jouer parce que de toute façon je trouve pas. Il est dans le journal lui. Et en plus elle râle quoi, elle joue. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais là je. Allez, question suivante, attention, vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Top, je suis né au Canada Jack. Le 1er juillet. Brice Hortefeux. Non, le 1er juillet 1967. Sandro. Oui. Je joue pas, Sandra. Je joue pas. Si, il m'a dit je pouvais. Non, je suis modèle photo et productrice, mais je suis surtout connue pour avoir. Ouais, ça je vais pas dire sinon vous allez trouver. On me connaît pour mes photos de charme, mais je suis assez connue pour mes conquêtes masculines. Oui, Pamela Anderson. Pamela Anderson, bonne réponse. Elle est canadienne. Elle est canadienne, ouais. Quelle horreur. Bah quoi? Surtout sans maquillage. Donc mes conquêtes masculines, David Charvet, Kelly Slater ou encore Tommy Lee, Kid Rock. Quoi? Charvet. David Charvet. Yes. Non, Charvet. Je suis record woman des couvertures de Playboy. J'ai posé nu pour eux à 13 reprises. Je suis blonde et très siliconée. On me considère comme la reine des bimbos. Si ça peut vous aider, j'ai joué dans Scooby-Doo et dans Scary Movie 3. Non, ça ne vous aide pas. Bon, je suis bonne, blonde et sexy. Et tough, c'est branlé sur ma sextape. Je suis donc Pamela Anderson. Et pas que la sextape. C'est sûr. Et pas que tough non plus d'ailleurs. Allez, un partout. Attention, la dernière pour départager. Vous êtes prêts? Prêt. Ah, c'est un partout là. Ouais, c'est bon, tu joues pas. Attention, top, je suis un symbole de l'histoire américaine. Non, je remonte à la préhistoire et on me retrouve chez les Mayas, mais sous une forme différente. Le calendrier. Non, et de celle, où est-ce que je suis? De celle où vous pouvez m'utiliser, aussi bizarre que ça puisse paraître, je sers à combattre le stress et je permets une meilleure concentration. Le coca. Non, et de récentes études roues. La cocaïne. Non, Jack. Le tabac. Non, étude montre que je peux améliorer l'humeur de celui qui me consomme. À la base, je suis un produit naturel qui est traité puis modifié. Oui. Coca-Cola. Non. Jack. Geoffrey. L'opium. Non. La cocaïne. Non plus. À la base, je suis un produit naturel qui est traité puis modifié, ce qui me rend néfaste pour l'organisme. Mais aujourd'hui, je suis devenu un produit artificiel qui a bon goût mais qui ne sert à rien. Vous pouvez me retrouver partout dans tous les pays. Je suis con, moi. Sandro. Bah quoi? Geoffrey. Tu souffles la réponse à Jack en plus. Qu'est-ce que je souffle? Geoffrey. Le chewing-gum. Bonne réponse. Surtout que t'es vraiment une merde parce que c'est moi qui te souffle d'habitude, donc tu peux me donner la réponse. Mais toi, je peux pas te parler. Mais je peux pas te parler. Tu me souffles jamais d'habitude. C'est surtout que c'est relou parce que quand elle me souffle, j'entends plus rien de la définition. Ouais, très bien. Alors là, tu peux toucher pour des réponses. Geoffrey. Ouais. C'est gagné. C'est nul. Ah, super. Oh putain, génial. Je peux pas. C'est ça. Contrairement au PSG, tu as fait gagner l'euro ce week-end et ça c'est beau. Bon bah c'est gagné, Geoffrey. Bah bravo. Bah ouais, le lecteur d'Evix pour toi, tu vas gérer ça avec Michel au standard. Okay. Et puis Sébastien, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok, bon. Désolé hein. Bon bah c'est pas grave. Salut à vous deux. Merci. Ciao, bye bye. Salut, à plus. Et ciao, si vous voulez vous inscrire aux questions pour une réponse, dès demain on remet le couvert. 612, débuté par Mickaël avec QPR et puis votre numéro de téléphone ou sur mickaël.fm. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Mickaël, le podcast. Bon, allez. Allez, comme tous les lundis maintenant, nous avons droit à, bah, à l'ami de Sandro, visiblement, puisqu'il s'appelle le week-end, d'après ce qu'ils ont, d'après ce qu'elle a dit tout à l'heure, là, ils s'échangent des petits messages. Hein. Nous avons donc Monsieur X qui est là. Vous avez passé un beau week-end ? Oui, j'ai été invité à une orgie dans un château près de Paris. Oui, on a compris, oui. Mais alors apparemment, vous êtes une amie de, vous êtes un ami de Sandro. Bah oui, oui, je voulais l'inviter à cette orgie parce que, bon, normalement, en fait, on ne pouvait pas y aller seul, mais elle m'a lâchement abandonné sur le bord de la route. Ouais, non, mais c'est vrai. Ah oui, mais c'était hier, moi, j'étais là, je suis passé à la radio hier. Oui, elle pouvait pas tout faire. Hein. Elle est mieux à faire. Ah, bon, alors, comment ça se passe, donc, monsieur X, alors Bah, c'est-à-dire, vous nous parliez de votre merdier, là, de votre orgie. Oui, ah, oui, je vous parlais donc de mon orgie dans ce magnifique château qui a été pour moi un endroit de débauche fort sympathique. Hein. Oui, non, ça ira, on n'a pas spécialement envie de plus de détails non plus. Hein. C'est de ça que j'avais envie de vous parler. Vous voulez parler de quoi, monsieur X? Mais de votre censure, du fait que vous ne me laissez pas. Censure. Si vous ne me laissez pas exposer mes idées, hein, parce que. Mais t'as vu tes idées? Oui. Ah merde, bon, en plus vous coupez mon micro, bravo. Donc on censure pas. Si, d'ailleurs sur Arte ils sont beaucoup plus ouverts que vous. Hein. C'est-à-dire, monsieur X? Eh bien écoutez, je suis tombé sur une vous petite mal cochonne, hein, comme votre humour me désappointe chaque fois que je viens. Vous sidérez. Je veux rien dire, je me désappointe. Me désappointe. I'm disappointed. Il a entendu le mot à mon avis dans l'orgie, il s'est dit tiens je vais le remettre. Mais j'aime bien replacer les mots que j'entends sortis de leur tu fais bien, tu fais donc, bien. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais que j'étais tombé sur une petite cochonne, hein, comme je les aime, et qui explique ce qu'elle aime dans la vie sur Arte. Bah, baiser comme des bêtes. Ah, vous voyez, ça c'est une vraie femme qui sait vivre. Non mais monsieur X est tiré d'un film de cul. Ah pas du tout, c'est une charmante blonde avec un petit cul bien ferme qui n'attend qu'une seule chose. Bah en gros de se faire défoncer quoi. non mais monsieur X, non mais vous croyez vraiment ce qu'elle dit? Mais évidemment, elles sont toutes comme ça, hein. C'est votre censure qui les empêche de parler ouvertement. Elles ne demandent que ça. Être embranché comme un morceau de viande quoi. Oh. Être embranché comme un morceau. Oui, on a déjà vu. Ah ouais, c'est une comédienne non? Non. Non. Elle est comédienne ou elle est pas comédienne? Bah, je sais pas, demande à monsieur X, hein, il la connaît personnellement. Très bien. Alors monsieur X. C'est incroyable. Bon, elle est comédienne ou elle était pas comédienne? Elle était comédienne mais elle a été payée en plus pour dire ça. Donc tu fous la merde volontairement pour mettre monsieur X dans la merde. Bon, monsieur X. Oui, enfin bon, même si elle a été payée pour pouvoir dire ce qu'elle pense vraiment au fond de son petit cul. Mais non monsieur X, les filles ne sont pas comme ça. Ah non, toutes les filles ne sont pas comme elle? Non. Et c'est bien dommage d'ailleurs, hein, parce que si elles avaient toutes le même petit cul que cette petite cochonne, je ne saurais plus vous donner de la bite. Mais monsieur X, c'est bon, ça ira. Bon, et sinon, vous n'avez rien d'intéressant à nous raconter? Ben non, je voulais vous faire entendre raison, hein, que vous compreniez que les femmes ont besoin de se faire limer les fesses pour être heureuses, et que c'est comme ça. Ouais, donc vous n'avez plus rien à dire, quoi. Voilà, vous voulez encore me censurer parce que vous ne voulez pas entendre la bonne parole du cul. Vous ne voulez pas ouvrir votre émission au monde du sexe. Oui, non, ça va aller, monsieur X. Bon, on va vous laisser, et la semaine prochaine, vous répondrez à votre courrier. Je suis sûr que vous en avez plein de courriers en retard, là. Ah, bien sûr, j'ai plein de jeunes. Sur monsieurx@energie.com. Non, pas du tout, hein. Donc c'est monsieurx, 22 rue Boileau, 75-016 Paris. Hein. Je ne reçois que du courrier postal. C'est Dex, non? Non, c'est Dex, vous n'êtes pas obligé. Ah, mais bon. Sinon, oui, donc je vous disais que j'avais énormément de courriers de jeunes dévergondés, hein, qui cherchent à se faire labourer la chatte. Oh, ça ira. Bon, on verra ça la semaine prochaine, monsieur X, là. Ça suffit, là, pour ce soir, là. Ah, je suis déçu, hein, moi qui avais tellement de choses à vous dire. Oui, bah la semaine prochaine, ce sera bien aussi, non? Oui, ce sera bien aussi la semaine prochaine, mais c'est dommage que vous repoussiez toujours l'échéance d'ouvrir votre émission à... aux vraies valeurs des femmes. Mais c'est pas des vraies valeurs, monsieur X, vous êtes un porc. C'est vous qui le dites, il faut laisser les femmes s'exprimer dans votre émission. Non mais vous êtes un porc. Pas du tout. Si, pas vous êtes tout. Un porc. Je suis un reconnais. Gentleman. C'est ça, ouais. Reconnais que t'es un porc. Non, je suis le gentleman de la porc. Du porc, alors. Bon, Sandro, tu pourrais coucher avec monsieur X? Non, on ne couche pas entre amants. Ça veut rien dire. C'est nul. Non, c'est vrai, nous n'avons jamais couché ensemble allongé, hein. Elle a toujours préféré rester debout. Il est con. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est bon, ouais. Bon, monsieur X, je vous salue pas. Non, mais comme d'habitude, de toute façon, vous êtes un mal poli. Il se rebelle. Et grossier en plus. Eh ben, vous savez quoi, la prochaine fois vous irez voir les Mexicains le dimanche soir. Écoutez avec plaisir. Ah non, je te l'ai. Ah si, si. Je serais beaucoup mieux reçu chez vous. Pas sûr. C'est pas sûr, c'est Polo hein, quand même. Eh ben, venez dimanche soir, vous verrez, vous sonnez chez les Mexicains, c'est toujours ouvert. Ah, écoutez, je serai là dimanche et je ne viendrai pas lundi. Ah, je préfère encore inviter Toff, au moins il bute moins sur les mots lui. Ouais, ouais, c'est vrai, effectivement. Bah, non, mais monsieur X, venez dimanche et venez lundi pour nous dire s'ils étaient plus sympas ou pas. Mais de toute façon, ils ne peuvent être que plus sympas que vous. Hein. Oui, ah bah ça c'est pas sûr. Hein. Si, ça c'est évident, c'est évident. Je suis sûr qu'il y a beaucoup moins de censure dans leur petit show de quelques heures là que dans votre émission. Il y a moins de censure, mais il y a moins de temps aussi d'expression. Ah oui, ça c'est vrai. Ah bon ? On confirme. Ah ouais, ouais. Il y a moins de temps. Il faudra faire une rubrique, mais courte. Oui, trop courte. Mais écoutez, je serai très court. Je mettrai que. Je ah, vous que êtes très court. Vous... Dans l'émission ici. Vous l'avouez que vous êtes très court. Pardon ? Vous avouez que vous êtes très court. Ah, ça dépend des moments. Très bien. Bon, allez, au revoir, monsieur, je ne vous salue pas. Oui, comme d'habitude, bonne soirée. Au revoir. Bon, allez, une bonne chose de faite, ça, et pouvoir rentrer chez lui. Bah, je suis content de m'en être débarrassé pour la semaine prochaine. Mais ça fait deux fois que tu l'as pas salué, t'aurais été plus vite fait de le saluer au moins. C'est vrai. Peut-être, effectivement. Bah, prends-en bonne note pour dimanche. Je le saurai. Très bien. Hello, you're listening to the Papa Pola Show. Papa Pola Paramore. Call in and have fun. I said call in and have fun. Et j'aime bien, la voix de la fille parce qu'en fait elle est bon, elle est petite, elle est mince. Elle a une jolie voix. Moi j'aime bien sa voix. J'aurais préféré avoir un jingle en allemand, mais bon. Attends, hey, juste un truc. Oui, je t'écoute. Non mais je voudrais juste le remettre parce qu'elle dit pourquoi il dit cheeseburger à un moment. Bon, vas-y, on réécoute. Hello, you're listening to the Papa Pola Show. Papa Pola Paramore. Call in and have fun. Said call in and have fun. Bah ouais, ils aiment le cheeseburger. Ouais, c'est bizarre. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Moi, mon week-end a été nul. Voilà, je tiens à le dire maintenant. Le public est là en folie, en fureur, en nostalgie, en amour. Donc, comme je vous l'ai dit, je reçois des mails de temps en temps. Et ce qui me fait plaisir, c'est de vous les lire à l'antenne, puisque ça part de ce chef-d'œuvre que je crée depuis 2-3 ans, qui s'appelle le Polo Show. Donc, je vais vous lire ce mail. Merci à Polo, merci à ton œuvre. Et c'est véridique, car... que je reçois des mails, on me dit ouais tu les inventes et tout, non c'est véridique, hein. C'est Mister Blonde qui a envoyé ça. Le Polo Show est sans doute la meilleure émission que j'ai dû écouter dans ma chienne de vie. Arrête toi. Le Polo Show surpasse largement les autres productions, c'est une création exceptionnelle. Un homme, Polo, ses auditeurs, ce sont les éléments qui gravitent autour de lui. L'addition de ces éléments forme le tout de sa propre vie, ses souvenirs, son avenir. Ses songes sont exposés dans un dialogue avec son subconscient. Une conversation entre plusieurs états d'âme. C'est une idée géniale que le Polo Show, et Polo est un génie. C'est une religion, un rêve, un cauchemar, une utopie. C'est le corps même de toute vie qu'il peint en ces 2 minutes d'émission. Le Polo Show permet la quête d'une existence. Nous existons tous sans le Polo Show. C'est grandiose. Voilà. C'est mon avis sur cette émission. Bravo. Ça a été... Voilà, c'est beau. Attends, il reste une phrase. À quand à l'image des soirées rock de l'autre, une heure entière de Polo Show? Je ne sais pas, c'est pas moi qui décide. Merci à cet auditeur, n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur polo@energie.com. Je serai là. Le public, tout en regardant et tout en médiocrité, il est là, c'est mon public. Qui est là? Allô? Oui. Oui. Rachel. Allô? Oui. Oui. C'est Rachel. Ouais, c'est bien, et alors? Tu veux que je fasse, tu veux quoi? Je te donne une médaille? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Des clés d'une bagnole? Tu veux quoi? Ouais aussi. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Allez, vaine-toi. Ça doit être la relou de service celle-là. Tu sais, ouais. Bon, qu'est-ce que tu veux? Allô? Tu vas pour le Polo Show? Oui, et ben vas-y. Ouais. Ouais. Bon bah allez, casse-toi. C'est ça. Non mais t'es obligé de les virer, elle est ringarde, elle est minable. On va se faire un petit peu de pub. Et puis on va se retrouver juste après, non? Hein? Ils sont sous un peu de pub, ça serait cool. Si vous êtes français, presque italien, mais pas trop, et que vous souhaitez l'indépendance de votre île en faisant péter des bombes sur des innocents, il y a un téléphone pour ça. Si vous êtes basque, et que vous souhaitez vous séparer de la France ou de l'Espagne en faisant péter des bombes sur des innocents, il y a un téléphone pour ça. Et si vous êtes taliban, et que vous souhaitez éviter que des élections aient lieu en faisant péter des bombes sur des innocents électeurs, il y a un téléphone pour ça. Découvrez le nouveau téléphone d'Apple, disponible avec sa nouvelle application, Ignoble. uniquement Salut, sur iPhone. Salut, c'est Thomas VDB et vous écoutez actuellement le Polo Show, l'émission avec le titre le plus ridicule de toute l'histoire de la radio française. Voilà, c'est un peu réducteur pour le Polo Show, mais c'est peut-être aussi une façon de voir le Polo Show, comme vous avez vu dans cette sublime lettre que je viens de vous lire, enfin ce mail. Mais bon, faut bien que je déguise le mail. Qui est là? Allô? Ouais. Oui, bonjour, je suis Rashomon, spécialiste en vannes racistes. Hein, ouais, c'est moi qui ai tout appris à Monsieur Brice Hortefeux. Bon, hein. Bah tu vas faire un tour ailleurs, parce que ça m'intéresse pas trop. Monsieur Polo, ce n'est pas français comme nom. Vous avez des papiers? Oui, j'ai des papiers comme toi, je pense. Je pense qu'on a tous des papiers, oui, sinon je serais pas là. Bah bon, vous êtes sûr, vous ne travaillez pas illégalement, j'espère. Non, je ne travaille pas Monsieur Rachou. Oui, vous semblez avoir des difficultés à vous exprimer également en français. Bon, qu'est-ce que tu veux? Parce que là, peine avant entendu ta voix, tu m'as saoulé. Écoutez, je souhaitais vous faire des petites blagues de mon cru. Hein. Bon, vas-y, fais-en une et puis... Écoute, c'est moi qui dirige. Hein? C'est moi. Tu fais ta vanne pourrie, ça me plaît pas, tu dégages. Allez, vas-y. Très bien, mais commençons alors. Hein. Écoutez, c'est quoi des noirs à la montagne? Je sais pas. Les bronzés font du ski, enfin. Quel minable. Allez, Rashomon. Oui. Tu t'en vas. Ah déjà? Ah oui, maintenant, ouais. C'est maintenant ou jamais. Bien, très bien. Écoutez, je ferai parvenir à l'immigration. Hein, voilà, votre refus de m'écouter. Allez, casse-toi. Qui est là? Allô? Allô, allô, allô? Oui, on attend monsieur 3. Allô? Qui est là? Allô, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi, ça va être toi. Oui. Bon, ben, je croyais que j'étais en 4, c'est pour ça. On va ouais, non, mais vas-y, hein, tu peux y aller. Bonjour Polo, je me présente, je m'appelle Mathéo. Ouais, Mathéo. Personnellement, j'ai un groupe de rock. On t'entend pas bien, Mathéo. Ah, pardon, tu m'entends mieux, là? Ouais, c'est mieux, là. Ouais. Donc, je disais, personnellement, j'ai un groupe de rock. Bon, d'accord. Ça s'appelle Les Nymphes. Les nymphes, d'accord. Les nymphes, ah, ouais, est-ce que c'est ouais. Une espèce de comparaison à Muse pour les muses? Tu sais, on peut pas vraiment nous comparer, on est un petit peu unique dans notre genre quand même. Non, effectivement, c'est vrai qu'il y a certaines influences qui viennent éventuellement de Muse, de Radiohead, de grands groupes anglais, un petit peu comme ça. Bon, ouais. Je définirais notre musique plutôt comme intrinsèque par rapport au principe de globalité qui peut exister. Mathéo? Oui, pardon. Tu t'es trompé de radio, c'est pas ici, non, ça se passe. Non, on n'est pas des stars du... on n'est pas aussi pointu que ça dans le rock'n'roll. Ouais. Donc en fait, ce que je disais, c'est que mon groupe s'appelle Les Nymphes, et ouais. J'ai pensé à toi pour poser sur la pochette. J'aurais voulu savoir si éventuellement tu étais apte à poser nu. Oui, pour, je peux poser nu, mais nu, il n'y a que moi sur la pochette. Il n'y aurait que toi sur la pochette, ouais. D'accord, et ça représenterait quoi? Oh, tu serais en train, je sais pas, de manger du raisin, avec, je sais pas, peut-être une feuille de vigne. De laurier sur le chibre. Parfait, je prends. Quand est-ce qu'on pourrait faire le shooting? C'est quand tu veux, t'appelles mon assistant Micha, hors antenne, et il va... Vous allez gérer combien, ça. Tu prends combien pour te foutre à poil? Ah, mais moi, je ferai ça gratuitement, pour une fois que je peux me mettre à poil. Parce que éventuellement, pour booster les ventes d'entrevues, on pourrait peut-être éventuellement faire un concept, tu vois, où t'aurais toute la séance photo de polo à poil. Dans l'entrevue, comme ça, on fait une espèce de produit marketing. Ouais, je pense qu'on une globalisation du marketing. On pourrait carrément attaquer tes tues aussi, je sais pas. Ouais, je pense que ça va plaire, ouais. Ok, bon. Bon, bah, Mathéo, on se rappelle? Je t'envoie mon agent, et puis allez, on fait ça, et puis on tape ça avec Michel, alors. Voilà, on fait ça comme ça. Allez, casse-toi. Qui est là? Allô? C'est Alex. Ouais, Alex. Bon, en fait, j'appelle parce que je dois mettre un uniforme pour aller au Bayeux, ça me fait chier, en fait. Déjà, t'as un problème, on dirait que tu parles comme un canard. Est-ce que tu as mis ton uniforme sur ton nez? Non. Bon, qu'est-ce que tu veux? T'as un problème parce que... Bah mets-le, c'est ce que je te dis. Bah ouais, mais c'est chiant. Ouais, bah tu vas le mettre, tu vas aller à l'école, tu vas finir ton année, tu vas arrêter de me saouler. Voilà. Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et pour terminer ce Polo Show tout en bonheur, tout en... en rien du tout. Qui est là? Oh là là, pas lui. Mais qu'est-ce que tu t'as rien d'autre à foutre? T'as pas un métier? T'as un métier? T'as un bureau? Non, il a pas de métier, non. Comme toi, non. Hé, Polo. Ouais. Hé, Polo. Quoi? Polo. Quoi? Je crois savoir qui c'est qui est derrière la porte. Ah, enfin, t'as élucidé le mystère. Tu as eu le courage d'ouvrir cette porte? Non, j'ai pas ouvert, Polo. Oh parce là qu'il là. Il est encore derrière. Mais il y a un moment donné... À un moment, hé, Polo, hé. Je t'écoute. Je croyais que c'était toi, un moment non, Polo. Non, j'ai pas que ça à faire, j'ai une autre chose. Parce que quand je regardais dans le trou, je me suis dit non, parce que sinon j'ai rien vu, ton bide il aurait tout caché. Ah, donc c'est drôle pas Polo. Ça, t'as regardé, t'as vu ta gueule toi. Bon, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas te retrouver. J'ai le bras long, Polo. Oui, on se doute, tu l'as, mais tu peux me gratter la. Je peux me gratter le cul, dis-tu, s'il est si long que ça. Polo, comment gratte-moi tu parles. Bon, va ouvrir cette porte, une bonne fois pour toutes. Ouais, non, allez, prends ton que courage, à demain. Non, je crois que c'est l'huissier derrière. Mais non, il n'y a pas d'huissier, ça doit être quelqu'un je qui crois veut. Que c'est l'huissier. Mais non, mais ça fait pas 4 ans que l'huissier attend devant ta porte, c'est pas possible. Moi je te dis que c'est l'huissier, bon. Baba. Quoi? C'est l'huissier, Baba. Bon, j'ai écoute. Peur qu'il me passe le fion. Non, il te fera pas le fion. Tu vas ou tu vas pas? Tu vas ouvrir la porte? Tu l'ouvres ou pas? Arrête, t'es nerveux ce soir. Tu l'ouvres ou tu l'ouvres pas? Polo. Allez, dégage, voilà, je t'ai raccroché au nez, je t'ai expulsé du standard, tel un malpropre. Ouvre la porte, sinon tu ne passes plus dans le Polo Show. Voilà, le Polo Show est terminé. Hop, c'est fait, c'est dit, c'est passé. Eh ben, très allez, bien. Allez, une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.